a deep one for the end zone. Phelan is down there. Oh, he got it! He got it! He got it! Touchdown! Touchdown! He did it! He did it! Cody did it! But here's a shot! Henderson made a wild snap for spell. Here's another shot right by the shore! Et c'est capté. Julian Ferri file jusqu'à la zone des buts. Touché pour la rougeur. The ball is still loose as they get it to Rogers. All the band is out on the field. He's going to go into the end zone. He's going into the end zone. The band have won. Et bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières et bienvenue à l'Inconduite de partie, une émission qui chaque semaine vous parle de sport amateur, international, professionnel. Qu'est-ce qu'on parle aussi? On parle-tu d'autres stocks? Non, ça ressemble pas mal à ça. Tu as fait le tour là-dessus. Ouais. La voix que vous entendez, c'est celle de Pierre-Luc Giroux, toujours avec moi, notre expert junior majeur. Comment il va, Pierre-Luc? Ça va très bien. Passez une belle fin de semaine. Ouais. Le retour de Trois-Rivières, c'est bien passé. Ouais, ça n'a pas été trop difficile. C'est bon. Et moi, je suis Nicolas Ducharme, comme à chaque semaine, animateur de l'Inconduite de partie. Et bien sûr, JP Rennie va jouer la nouvelle 10h. On a une très, très grosse émission cette semaine. On vous parle. Bon, qu'est-ce que ça vient vendredi, Pierre-Luc? Vendredi? Allume. Qu'est-ce que ça vient vendredi? Je sais pas. Voyons. Il en parle depuis 6 ans au Canada, là. Ah, les Olympiques! Non, s'il vous plaît. Ça a pris du temps d'attendre. Ouais, on va se laisser se réveiller un peu. Je veux bien te laisser du temps, mais là, t'as le temps, tu sais. Les Jeux Olympiques de Vancouver qui commencent vendredi. Vendredi avec la toujours palpitante cérémonie d'ouverture ou... C'est-à-dire, je change de poste, puis j'attends que les vraies compétitions commencent le samedi matin. Mais c'est plate, la cérémonie d'ouverture, tu le sais autant que moi. Là. Ouais, c'est pas terrible. Ça. Céline Dion, chantes-tu cette année? Je sais pas, je penserais pas. J'espère pas. Fait que. Donc, cette semaine, je l'ai dit à l'émission, bon, on a une très, très grosse. Très, très. Contenu. Écoute, on va parler d'hockey junior comme d'habitude avec toi. Cataract, Voltigeur de Drummondville et tout le reste des activités. On va parler des Olympiques. On va avoir un très gros spécial là-dessus avec JP Grenier qui va se joindre à nous. Je te dirais de 10h15 à peu près, même peut-être avant, jusqu'à 11h. On va faire le tour de tout ce qui est les épreuves où le Canada devrait avoir des bons résultats. On va faire le tour du tournoi de hockey masculin. Je pense que c'est ça qui intéresse le plus les gens. Donc, on va aller voir là-dessus. On va parler aussi... J'ai d'autres choses, là. Super Bowl! Ouais, ça, c'est Super Bowl, bien sûr, l'événement de la fin de semaine. T'as-tu pris 4-5 livres, toi, fin de semaine? Non, ça a bien été, non, je te dirais. Non, tu t'es pas gavé dans la bouffe grasse. Dans la bouffe, j'ai pris nos résolutions de la semaine dernière. Boy, moi, je les ai pas respectées. Fait que... mais toi, t'es moins fan de football, par exemple. Moins fan, mais quand même, Super Bowl, c'est quand même un happening à tous les ans. Puis, tout dans le fond, tu peux pas manquer ça quand même. T'es celui qui, avec les publicités, arrive, dit aux autres de Star. Ouais, tu veux écouter. Mais les publicités, j'avoue que c'est intéressant. Moi, j'aime bien ça. Il y en avait une couple de bonnes. Ouais. Allez voir celle de Denise que j'ai adoré, qui est une joke. Il y en avait plusieurs, puis c'est des poulets, en tout cas. Puis ça. Elle valait la peine. Allez voir ça sur Internet. Donc, on y va tout de suite. On n'attend pas. Comme je l'ai dit, on a gros du temps. On va y aller avec les Patriotes. L'UQTR au hockey est en action. 3 matchs la semaine dernière. Et ils étaient en action. C'était mercredi dernier contre Concordia. 69 tirs pour les Patriotes. C'est assez surprenant comme déroulement. C'était énorme. Par contre, victoire de 4-3 des Pats. Il faut croire que Maxime Joyal s'est tenu vraiment solide devant le fil des Stingers. Goal à Québec, c'est pour ça que tu dis ça. T'es trop de Québec, toi. Non, mais je le connais plus, c'est tout. Ouais, donc, comme tu dis, 4-3. Écoute, ça s'est fini en tir de fusillade. C'est Alexandre Demers, Alexandre Blais et Étienne Bonavance-Martin qui ont marqué en fusillade. Les buts dans la partie, c'est Fréchette, le premier en première période. Messier en deuxième période, deux fois pour Concordia qui fait la marque 2-1. Charlat qui connaît toute une saison, Francis Charlat. En troisième période, à 52 secondes, vient faire 2-2. Marc-André Lehmann fait son 14e de la saison à 8-24 pour faire 3-2. Et finalement, Alexandre Blais sur des aides à Demers et Petit à 16-10 qui vient faire 4-3. Plutôt 3-3, voyez ça en prolongation et finalement en fusillade. Donc c'est une victoire quand même importante. On peut pas en échapper du côté des Patriotes présentement. Ça aurait été dommageable d'échapper. Surtout qu'on l'avait échappé un soir, un autre mercredi à Concordia au début de l'année. On ne peut pas se permettre ça. Vendredi dernier, c'était Ottawa, les GGs qui connaissent une saison de misère. Vraiment, c'est pénible pour les GGs cette année qui sont au dernier rang de l'Est de la OUA. Donc, c'est une dégelée. 8-2 pour les Patriotes. 41 tirs, 28 dans la partie pour les gens de Trois-Rivières, les Trifluviens. Jean-Christophe Blanchard récolte la victoire, 26 arrêts sur 28 tirs. Les buts, Blais, Charlat, j'ai nommé pas tout avec les aides, sinon ça va être long. Blais, Charlat, Petit, Désilet, Fréchette deux fois en deux games. Charlat encore son 21e, Breton et Jonca venu finir ça à 15-36 de la troisième période pour faire les 8 buts des Patriotes. Méthode et McBride. Méthode, c'est Marc Méthode, ça, qui a joué. Non, Mathieu Méthode, désolé. Donc, il est venu faire 8-2. Les étoiles dans la partie, c'est Francis Charlat, Olivier Donovan et Jean-Sébastien Breton. 219 personnes à la Claude Mongrain. Les foules ont augmenté un peu depuis le début de l'année. La moyenne, faut croire que la. Je sais pas si c'est le carnaval qui a fait qu'il y en a qui se sont intéressés un petit peu plus à ça. Il y avait quand même une bonne foule, ouais. Là, au-dessus de 1000 personnes. Donc, ça a valu la peine sur celle-là. Ben, augmentation de foule, c'est une augmentation peut-être de 60-75 personnes par match. C'est déjà ça. Fait tes pourcentages, c'est déjà mieux. Pas jouer dans une shed, ça aiderait aussi. Donc, ouais. À moi, ça, on a discuté plusieurs fois que... T'as beau avoir un bon moteur, si tu mets ça dans une minoune, c'est moins attrayant au niveau du spectacle. Et finalement, les Patriotes étaient en action hier contre McGill. On va en parler tout de suite. On soit en studio, M. Alexandre Demers, capitaine des Patriotes. Comment ça va, Alexandre? Super bien, toi. Bien dormi? Popé, ouais. Popé, après une victoire. Ça fait du bien quand même. Après une victoire comme ça, quand même, ça doit aider à somnoler un peu. Ouais, c'est sûr que ça faisait, je pense, je sais pas exactement, mais je pense que j'ai eu une victoire en 3 ans à McGill. Donc, ça fait super du bien. Okay. Je suis bien content d'aller chercher ces 2 points-là. L'ambiance à McGill est quand même forte au niveau... C'était tranquille, sérieusement, hier. Ah ouais? C'est sûr que c'était un lundi soir. Donc, d'habitude, les vendredis, samedi... En effet, c'est assez intimidant de jouer là. Ouais. Parce que t'as gros des gars, des filles qui restent à McGill les fins de semaine, contrairement à ici que bon, tout le monde retourne dans leur coin pour plus ou moins là, pendant les fins de semaine. Oui, c'est clair. Puis en plus, le hockey féminin est toujours là le vendredi avant nous autres ou le samedi pratique. Donc, ça apporte une. Ah oui, c'est des doubles. Quoi, ils jouent à quelle heure? Ils pratiquent juste avant, donc ils restent après. Ok, puis, ils pratiquent. Oh, ok. Ouais, ouais. Comme plus. Tu dis, les étudiants sont là toute la fin de semaine, donc c'est sûr que ça aide un peu. C'est ça, puis souvent c'est des Anglais de l'Ontario puis tout, donc tu sais, ils apprennent à boire encore, donc ils sont encore plus sur le party. C'est vrai qu'ils apprennent à boire, on n'est pas là-dedans. On n'a pas besoin d'embarquer, on a vu photos sur bien des okay, quotidiens okay. À travers l'Amérique. Donc parlons-en, c'est une victoire de 5-4 des Patriotes, 37-35 les tirs hier dans la partie. Le héros du match chez les Pats, c'est Francis Charlat, je l'avais dit, je le répète, il connaît toute une saison, Francis. Joueur de deuxième année. Vois-tu, Francis Charlin est rendu à 48 points en 25 parties. C'est excellent. Ce qui lui donne le classement meilleur marqueur dans la OUA. Deuxième meilleur marqueur dans la CIS au complet derrière UNB au Nouveau-Brunswick. Hunter Tremblay, exactement, qui est lui le premier marqueur de la CIS. Ouais. T'as-tu joué contre Hunter Tremblay? On a joué à des parties de concours l'année passée. Ah oui, contre lui. Qu'un joueur de hockey pour vrai. Il devrait faire le saut chez les professionnels, c'est pas l'année prochaine, dans 2 ans. C'est bon ça. Donc les marqueurs chez les Pats, c'est Félix Petit qui a le nouvel arrivé qui ouvre la marque. Alexandre Demers, une aide là-dessus. Francis Charlat aussi. McGill vient faire 2 buts pour terminer la première période. C'est Langelier, Parent et Doucet qui font la marque 2-1. Deuxième période, Breton, Charlat et Donovan, 1-2-3, un après l'autre, qui viennent faire la marque 4-2. Donc, on est bien placé chez les Patriots. McGill, par contre, pas du genre à se laisser faire. Marcotte Légaré, qui vient faire son 9e de la saison. Une aide à Morse et Gazdick. Félix Petit, encore lui, son 5e de la saison. Richard et Demers, encore une fois, et qui vient faire la marque 5-3. Et Francis Véropol, 3e meilleur marqueur de la CIS. Pika Hopper, les aides à 17-30 en avantage numérique. Est-ce qu'on a eu peur un peu à la fin de la partie? Oui, en plus qu'ils sont fait refuser un but. L'arbitre a sifflé un peu trop rapidement. Okay. Et ça aurait fait 5-5. Donc, en effet, là, ça a passé proche de qu'on l'échappe. Mais... C'est le résultat final qui compte. Ah, mais c'est ça, exactement. C'est les deux points qu'on ramasse sont importants. Le stress. Ouais. Tu pourrais pas dire plus précis, Pierre-Luc, parce que là, ce qui arrive au niveau du classement, vois-tu, il y avait 608 personnes au McConnell Arena d'habitude. Oh, d'habitude, c'est ça, c'est 800 à peu près, là, comme tu dis, c'est un petit lundi. Donc, tu pourrais pas être plus précis, Pierre-Luc, quand tu dis que les Patriots, tous les points sont importants au classement. Parce que là, ce qui arrive, c'est que dans la OUA, si tu finis premier au classement, tu es assuré de l'avantage de la glace pour toute la saison. L'UQTR, avec 26 parties de jouer, a 44 points. Cette victoire-là, tu sais, quand on dit un match de 4 points, hier, c'en était un. 40 points maintenant pour McGill, donc c'est à peu près impossible pour eux, ou presque, de rattraper Patriots, sauf si... Non, c'est ça, faut... Si McGill gagne leurs deux parties en fin de semaine, vous autres, vous perdez vos deux parties. C'est eux qui passent devant. Donc, faut aller chercher un point dans les deux parties en fin de semaine. Mais c'est pas des grosses équipes qu'on affronte en fin de semaine quand même. Bon. C'est Ottawa, c'est... Il faut faire attention quand même. On a eu des défaites cette année, des fois. Ouais, c'est ça. Ces deux équipes-là, donc il ne faut pas prendre ça à la joie et s'assurer dès vendredi d'aller chercher le championnat. Exact. Carton. Pour la deuxième saison de fil d'affilée. Troisième saison. Ça, ouais. Malheureusement, ça la misère à se tenir en série. Là, ben oui, on va espérer que année, ça soit pas jamais 203. Donc, non, on veut juste s'assurer davantage de la glace, mais comme tu dis, on a de la misère les deux dernières années à mener sans série. Ouais, c'est McGill qui... Qui sont toujours là. La bête noire, hein, d'habitude. Hein. Donc, c'est ça. Dans la OUA, dans l'Ouest, Waterloo est maintenant premier. Eux réussi à battre Western. Tu te rappelles, Western avait tout un début de saison. Ça s'est calmé un peu. 19-7 pour Western, 19-6 pour Waterloo. Et Lakehead en troisième position, 18-6. Les séries, comment ça se dessine présentement? Bon, les Patriots devraient normalement affronter la 8e équipe dans l'Est, c'est-à-dire Concordia. À moins que Nipissing gagne aucun match, même pas. Non, c'est assuré que c'est Concordia. À moins que RMC non plus. Donc oui, vraiment Concordia. Je fais mes maths en même temps que j'anime une émission, c'est bon. McGill devra affronter Nipissing. On pourrait pas dire qu'on est pas capable de faire deux choses en même temps. Je suis en communication. Ah non, je suis un gars. Moi, je suis un gars à faire deux affaires en même temps. Là, comment? C'est pas une chance, ça. J'ai de la misère à rentrer une toune en même temps que je parle. Toronto devra affronter Ryerson. Carlton, Queens devraient se rencontrer en série. Normalement, par contre, ça peut encore changer. Toronto, Carlton, c'est capable de s'échanger ça. Pareil pour Queens. Je dirais que le troisième rang, les troisième, quatrième et cinquième positions, ça peut énormément changer. Dans la OUA. Les compteurs, présentement, on en a parlé, Francis Charland, toujours premier avec 48 points. On peut aussi parler de Jean-Sébastien Breton, l'étudiant en communication qui se débarque, 40 points en 26 parties pour M. Breton. Top 10, bon, le top 10, c'est avant la partie des parties d'en fin de semaine, c'est avant surtout la partie d'hier. Je pense que l'UQTR est maintenant troisième. Ça devrait rester comme ça. UNB, Alberta, les Pandas, très, très fort. D'après moi, ça ne changera pas. McGill va peut-être descendre un peu. Western Ontario est devant eux, par contre. Ça devrait être serré, mais il n'y aura pas beaucoup de changements au niveau du top 10. Donc, félicitations, Alexandre. Faut que je te félicite. Tu as fait hier ton 100e point. C'est hier? Ça s'est passé, ouais, hier. Hier, 100e point dans la CIS. Ça doit faire quand même du bien de voir que... T'as une marque aussi importante que ça? Troisième, quatrième année? Oui, c'est ma troisième saison. Année. Ouais, ça veut juste dire que ça achève. Pis que... non, c'est des plateaux qui sont le fun à atteindre. C'est pas des choses que tu te fixes au début de ta carrière, mais si ça peut arriver, c'est tant mieux. Puis tant que je fais des points, ça veut dire que l'équipe a une chance de gagner. Puis c'est ça qui est l'important. Donc, c'est bien le fun. Donc, on l'a dit, c'est ta troisième année. Qu'est-ce que tu trouves de différent par rapport aux deux dernières années? Je sais que le noyau a quand même changé énormément cette année. Il y a eu comme un changement de garde. Les gars qui ont gagné la Coupe Queens il y a 3 ans sont pratiquement tous partis. Donc, les chevals de course, comme je peux appeler, comme les Boutins, La Fontaine, Gravel, sont toutes partis. C'est les nouveaux gars comme Breton, Charlin, justement, qui prennent ça en charge. Puis c'est le fun à voir. C'est un nouveau sang, puis tout le monde accepte son rôle à cœur, puis c'est ça qui est important. Ce qui est important au niveau aussi des gardiens, Jean-Christophe Blanchard a vu beaucoup d'actions cette année. Oui, exactement. Tu parlais des chevals, il devrait être un nouveau. Non, c'est clair qu'il y a encore une grosse saison. Certainement les candidats pour le MVP dans la ligue. Donc, c'est comme je t'ai dit, c'est une bonne saison. Il reste maintenant à amener ça dans les séries. Puis, on compte vraiment sur lui pour nous amener cet anneau aux grands honneurs. Puis, c'est ça qui a manqué peut-être un peu l'année passée. Donc, je pense qu'il nous en doit une là-dessus. Ouais. C'est des farces. Ouais. Avec l'ajout de Félix Petit, je pense que ça va être. C'était ma prochaine question. Ouais, qu'est-ce que tu penses de tout ce qui s'est greffé à l'équipe pendant ta Ça a été juste du positif. Sérieusement, c'est des gars de. Comme Félix Petit, c'est un gars de 100 points au niveau junior majeur. Ça, tu dédiques jamais ça. C'est tout qu'un ajout à notre équipe. Personnellement, je joue avec depuis le début de l'année. Donc, plus les parties avancent, plus on est capable de se trouver sa patinoire. Donc, c'est vraiment positif. Pour les autres, c'est des gars de rôle. C'est plus des gars de 3-4e ligne. L'essor à défense qui fait encore une fois un travail exceptionnel. Les gars qui sont repêchés dans la Ligue nationale. Donc, encore une fois, c'est important. Puis pour les autres, comme j'ai dit, Fréchette joue du gros hockey avec nous autres. Les acquisitions Fréchette, La Montagne, c'est deux gros bodies que vous êtes allés chercher pour les séries. Exactement, ces gars comme qui amènent de la robustesse. Puis comme Fréchette, c'est un défenseur de métier. De métier. Qui fait énormément son travail à l'attaque. C'est des gros bonhommes, comme tu as dit, qui déplacent dans l'air. Donc, c'est vraiment tout que des ajouts pour nous autres. Fréchette joue à quoi? Il est allié gauche, dans le fond? Je pourrais pas te dire. Okay. C'est un des deux alliés aussi à la quatrième ligne. Okay. Mais comme tu as dit tantôt, il a marqué 3 buts à ses 3 derniers matchs. Donc, écoute, c'est quand ça vient de la quatrième ligne, c'est du bonus, puis on le prend volontiers. Puis Fréchette, ça avait été repêché dans la Ligue nationale. Oui, moi, j'ai joué 4 ans avec lui à Drummondville. À Drummondville, hein? Puis il a été repêché en 5e ronde par les Blue Jackets. Donc, okay. C'est pas pire. C'est vraiment des gars qui arrivent ici universitaires qui sont repêchés dans la Ligue nationale. C'est toujours du bien. Souvent, ça paraît bien. Quoi qu'il y en a que, tu sais, je peux parler pour toi, je peux parler pour Breton. Charlin aussi, ça n'a pas été repêché, ces gars-là. Non. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas parce que t'es pas repêché non plus que t'as pas de talent. Ça, non, c'est sûr, sauf que tu sais, c'est de l'expérience qu'eux ont eue. Puis, tu sais, côtoyer des gars de qui c'est leur métier, jouer dans la Ligue nationale, pas que tu apprends des choses, mais tu vois comment que ça marche, comment qu'ils se préparent, comment tout est calculé, les petits détails. Donc, s'ils nous apportent ça, puis sérieusement, la façon dont Maxime Fréchette se prépare pour les parties, puis comment qu'il prend ça à cœur, tu vois tout de suite que il a pas côtoyé les mêmes joueurs que moi. Pas de négliger personne, mais tu sais, il a côtoyé les grands, puis ça apparaît, sérieusement. Ça paraît au niveau de la préparation. Ouais. Pour les autres, je sais pas s'il y a d'autres joueurs, justement, on parlait petit, je pense que c'est les trois, Tolessard aussi, y en a-tu d'autres au niveau du nouveau noyau, même, tu sais, du début de la saison, les Donovan, Sérieusement, c'est ça, Olivier Donovan, lui, a fini premier scoreur l'année passée au niveau junior 3. Puis cette année, ben, il est peut-être victime un peu des places sur le line-up. Il n'y a pas beaucoup de place pour lui. Puis dernièrement, il y a eu des blessures. Puis il a su prendre sa place. Il ramasse des points quasiment quotidiennement. Donc, ça va être un bon gars pour le futur, mais que les vieux comme Demers, Breton s'en aillent. Donc, c'est juste positif. Puis c'est des gars qui acceptent aussi leur rôle. Tu sais, sérieux, ils font une grosse job sur la troisième ligne, ils jouent contre les meilleurs trio adverses. Puis c'est le fun de côtoyer ces gars-là. Quand ils ont leur chance, ils la prennent. Sinon, ils font leur petit job. Puis c'est avec des équipes comme ça que tu gagnes les championnats. Tu parlais de prendre ses responsabilités, ils le font bien dans ce cas-ci. Ouais, ben oui, c'est ça. C'est des. Pas qu'ils prennent leur trou, mais tu sais, quand leurs fessings sont là, puis sinon, ils font leur petit travail, leur petit job. Sais-tu comment ça se déroule les séries cette année au niveau de quand ça commence ou On commence vendredi prochain. ici ou mercredi. Je pourrais pas te dire, j'ai pas regardé ça. OK, c'est bon ça. Non, c'est ça, on savait pas contre qui on jouait, mais ça s'est défini hier soir. Ouais, Flouis Arena, puis... Non, c'est pas si broche à fond que ça, c'est, tout est réglé, mais... Non, je pense que c'est mercredi ou vendredi, mais je pourrais pas te dire, c'est la semaine prochaine. OK, c'est parfait, ouais. Ça fait que normalement, ça devrait être contre les Stingers. Tu commences à domicile? Oui. OK, fait que normalement, si tout va bien, ça se finit en deux matchs, à qu'on va dire. Non, on va en prendre une à la fois, mais contrairement à les équipes qui donnent des tapes à Concordia, nous autres, on a de la misère à récolter deux points, mais c'est ça, on espère que ça se finisse le plus rapidement possible, mais on va se concentrer sur la première partie, ça va être ça le plus important. C'est bon ça. Alexandre, je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On s'en va en musique. On va aller écouter trois accords, ton pantalon est plein, donc je sais pas comment ça sonne, j'ai hâte de voir ça. Vous écoutez la conduite de partie sur les ondes de C'est fou. Un chandail ici là, que je peux plus sentir, qui m'écœure. Le numéro 13, là, décroche-moi ça tout de suite. Personne s'en sert à soir. Le conduit de partie. Ton pantalon est plein des trois accords. Une chanson dédiée à Sébastien Proulx, notre ancien animateur. Donc... Il va comprendre. C'était. On continue avec les Patriotes. Soccer, c'était. Les deux équipes affrontaient l'UQAM dans la saison de soccer intérieur qui se continue. Écoute, on l'a dit, c'est pas facile présentement pour les filles au niveau des matchs. Ils n'ont pas encore de victoire. C'est dommage quand même. On s'était bien. On avait quand même une bonne saison extérieure. Ça s'est pas transporté pour l'hiver. C'est encore une défaite cette fin de semaine, de 3-0 contre l'UQAM, qui ont quand même une bonne équipe. Ouais, là, disons, pas là. Comme n'importe qui. L'UDM, l'UQAM et... Laval. Laval ont des très, très bonnes équipes, merci. Donc, pas de but. Je peux dire que la joueuse du match est Audrey-Anne Garceau chez l'UQTR. Donc, au classement, elles sont sixièmes toujours avec quatre matchs de jouer. Concordia sont troisièmes. Par contre, Concordia a un match en main sur les Pats. Mais vois-tu, ça va pas bien non plus pour Concordia. Ils ont seulement un but en trois matchs de cette saison. Donc, c'est pas vraiment mieux. Allons-y, chez les hommes. Les hommes, non, mieux, pas mal mieux, ça y est, c'est fait. Ils ont remporté leur premier match. C'était cette fin de semaine. C'était... j'ai un petit problème. Hey, excuse-moi, je viens de voir, je me suis trompé dans mes notes. C'est des choses qui arrivent. Faut pas que ça arrive trop souvent, mais ça l'arrive. J'ai donné le classement des hommes. OK. OK, le classement des femmes, l'UQTR 7e avec 4 victoires, 4 matchs, 0 victoires, 4 défaites. Les Bishops sont 4e, sont 8e plutôt avec 0 victoires, 4 défaites aussi. Dans ce cas-ci, c'est l'UQTR qui a seulement un but cette saison, vois-tu, c'est là que je me suis mélangé. Chez les hommes, première victoire de la saison, 2-1 contre l'UQAM. C'était disputé à Saint-Eustache en passant. Les buteurs chez les Patriots, c'est Yannick Fournier et c'est Abdoulaye Kanté qui a eu une passe et un but de passe dans le match, donc deux points, vraiment qui s'est démarqué. C'est pourquoi il est le joueur de la semaine. L'attaquant recru de la formation de soccer, bon, un super match. À la 42e minute, son but, à 67 minutes, d'un coup de pied coin de Philippe Saint-Laurent, c'est lui, il y a eu une passe sur le but d'Olivier Dumont-Saint-Louis. Les Pats, c'était pas facile. Ils ont fait expulser leur gardien de but en première demi. Donc, ils ont joué tout le reste du match à 10 joueurs et ont quand même remporté le match. Donc, victoire de caractère. Victoire vraiment de caractère pour eux. Abdoulaye débute un baccalauréat en administration. Donc, félicitations à lui. Au classement, l'UQTR, une victoire, trois défaites, je viens de le dire. Ils font trois points. Ils sont à deux points de McGill qui a un match en main. Les séries, écoute, pour le soccer intérieur, je ne sais pas exactement comment ça marche parce que je te dirais que le site de la Ligue est un peu bizarre là-dessus. Pour moi, c'est un top. Bon, on va mettre ça sur la Ligue. Non, c'est parce que selon le site, la première position ne fait pas les séries. Tu comprends? Fait que, c'est pour ça que j'ai un feeling qu'il y a un problème. Ben non, c'est pour ça qu'il n'est pas écrit. D'après moi, c'est les six premières positions qui font les séries. La septième ne les fait pas. Les deux premières positions doivent avoir un bail. Puis les quatre autres équipes s'affrontent. Mais j'ai pas de preuve là-dessus, donc je ne m'avancerai pas trop là sur ce sujet. Donc, on va aller à une pause, puis à Luc. Et au retour, tu nous parles de hockey junior? Ben certainement. On parle des Cataractes et des Tigres de Victoriaville qui vont très bien dans les temps qui courent. J'espère avec l'équipe qui ont. On se revoit dans deux minutes. Écoutez la conduite de partie sur les ondes de C'est fou. Ah, études. Job. Il me semble que je suis dû pour me changer les idées. Amène ta gang, amène tes amis et viens vivre l'excellence. Viens vivre l'expérience Patriote. Vendredi 12 février, les Patriotes hockey affrontent les GGs d'Ottawa à l'aréna Claude Mongrain à 19h15. Et samedi 13 février, pour leur dernier match de la saison régulière, les Patriotes hockey se mesurent aux Ravens de Carlton à l'aréna Claude Mongrain à 13h45. Dimanche 14 janvier, les Patriotes soccer masculin affrontent l'Attaque de Trois-Rivières à 16h et les Patriotes soccer féminin affrontent Bishop à 14h. Les parties sont présentées au Centre Alphonse Desjardins. De plus, il n'y a rien à payer. L'admission est gratuite aux parties des Patriotes pour les étudiants de l'UQTR. UQTR.ca/Patriotes. C'est fou de musique à découvrir. C'est fou de musique à découvrir. C'est fou de la scène émergente. C'est fou de scène émergente. C'est fou de la musique. C'est fou 89.1. 89.1. Bonjour, c'est Pierre-Alexandre Vandal, vous écoutez un conduite de partie sur C'est fou. Hey kids. Hey dad. What do you want to do today? I don't know. Do you want to go to the matinee? No. Do you want to go to the amusement park? No. No. Do you want to go to the punk rock show? Yeah, let's go to the punk rock show. Avec la chanson Separation of Church and State. Pierre-Luc, on y va avec l'Hockey Junior tout de suite. Oui, on y va tout de go avec tout d'abord les Cataractes de Shawinigan cette semaine qui avaient trois matchs contre la même équipe, les Maniacs de Lewiston. Tu fais-tu juste une préparation avant le premier match? Pour ça, tu laisses aller ou? Je sais pas. Moi, je pense qu'on s'est préparé pour tous les matchs parce qu'avoir les résultats, les Maniacs n'ont pas été vraiment dans le coup. Sauf dans le deuxième match, mais les Maniacs, faut quand même là, c'est quand même une des pires équipes du circuit. Donc les Cataractes ont vraiment montré que quand même là, ils sont sérieux. Ouais, ils sont sérieux, puis ils sont vraiment des adversaires à prendre au sérieux là en séries éliminatoires. Et donc au premier match, c'était mardi dernier. Au Centre Bionès, ils recevaient les Maniacs de Lewiston, comme on l'a dit plus tôt. Et victoire très facile par la marque de 6-1 pour nos Cataractes. Donc, tout d'abord, en première période, les Cataractes qui ont pris les devants 2-0. En deuxième période, les Lewiston ont réduit l'écart à 2-1. Mais ensuite de ça, là, l'hécatombe du côté, 6-1 pour les Cataractes de Shawinigan. Donc, grosse victoire. Par contre, on peut dire merci au gardien Marc-Antoine Gélina, qui a quand même stoppé 32 tirs là, dans le match. Ils ont même 34 arrêts dans le match. Les Lewiston qui ont tiré plus souvent que les Cataractes dans le match, 35-33 les tirs, et finalement complètement le contraire, le score 6-1 pour nos Cataractes. Donc je pense que Marc-Antoine Gélina fait de l'excellent travail devant les buts pour les Cataractes. Ça va très bien là pour lui. Ça dépend aussi tout le temps c'est quel type de tir, mais oui, en effet, Rick Veilleux était en beau fusil après la partie. un beau calvaire, a critiqué ses joueurs, a dit que commettre autant de revirements que ça, c'est inadmissible. Faut pas que ça arrive contre des grosses équipes comme les Tigres ou les Voltigeurs parce qu'on va y goûter. Il disait, tu sais, c'est bien beau, tu sais, des fois tu gagnes des matchs que tu mérites pas, là. Ou tu perds des matchs que tu mérites pas de perdre, ben dans ce cas-là, ils disent on a gagné un, mais qu'on méritait pas de gagner. Non, c'est ça. Fait que c'est le gardien de Weston qui a peut-être pas été, qui a failli à la tâche en tant que tel, parce que le Weston mérite un meilleur sort. Ouais. Michael Bourneval a été la première étoile du match, celui qui a récolté un but et deux passes dans la victoire. Et Pierre-Alexandre Vandal aussi qui a fait de l'excellent travail. Notre cher ami Pierre-Alexandre qui a récolté trois passes dans le match. Tu l'as parlé, le gardien de but des Maniacs qui a pas vraiment fait l'affaire, André Lemay, qui d'habitude est un excellent gardien de but, que je te dirais qui garde souvent les Maniacs dans le match quand ils sont pas pantoute. Son remplaçant était, tiens-toi bien, Nicolas, Jordan Kennedy. Donc, c'est le gardien remplaçant des Maniacs de Lewiston. Ça te rappelle pas, ça ressemble à Sheldon Kennedy. Pour ça, je me suis dit peut-être que M. Nicolas va. Ouais, mais tu pitches genre, y a-tu un lien de famille? Non, aucun lien de famille. Ok, tu pitches au hasard. Ça ressemble à John F. Kennedy aussi. Ouais, puis, ben, Kennedy, c'est Tyler Kennedy, puis. Tata. Alors, j'essaie de te réveiller, là. T'avais de l'air parti dans ton ordinateur. On continue de vendredi soir, Lewiston qui recevait à leur tour la visite des Cataractes de Shawinigan. Donc vendredi, samedi, deux matchs d'affilée au Androscoggin Bank, donc au Colisée de... Colisée de la banque Androscoggin. De la banque Androscoggin. Donc devant 1738 spectateurs, les Cataractes l'ont emporté 3-2. Ça a été beaucoup plus difficile. Pas de but en première période. En deuxième période, les Cataractes ont pris les devants 1-0 sur un but d'Olivier Ouellet. Et en troisième période, Michael Chaput et Mathieu Bissonnette des Maniacs ont repris les devants 2-1. Et finalement, Michael Bourneval et Philippe Paradis ont compté deux buts en fin de troisième période pour donner la victoire à nos Cataractes 3-2. C'était Gabriel Gérard qui était devant les buts pour les Cataractes. Donc, on a donné un petit congé à Gélina pour ce match. Donc, qu'est-ce qui a été un gros avantage aussi? Les avantages numériques. Donc, les Cataractes ont quand même compté deux buts sur 6 avantages numériques. Les Lewiston n'ont pas été capables de capitaliser. Ils n'ont compté aucun but sur 4 occasions. Donc, ça s'est joué beaucoup en avantages numériques, je vous dirais. Ensuite de ça, la vedette du match, Gabriel Lemieux. Deux passes dans le match. Mathieu Bissonnette des Maniacs de Lewiston a eu la deuxième étoile pour 2 points. Et Olivier Ouellet, on le sait, un but, une passe avec 2 points. Et Adrien Lemay, qui quand même s'est très bien repris là dans les buts pour les Maniacs de Lewiston. Lui qui a quand même arrêté 39 arrêts dans ce match. Donc, par chance que Lemay était là dans ce match-là. S'il était pas là au premier match, ben c'est lui qui était là au deuxième. Mm-hmm. Parce que sinon, le score aurait été tout différent. On se transporte samedi maintenant devant 2400 spectateurs, donc environ 700 spectateurs de plus le samedi que le vendredi. Je te dirais que c'est probablement une des rares arénas dans la ligue où il y a plus de monde le samedi que le vendredi. Puis c'est pas la première fois que j'ai remarqué dans les statistiques là, qu'il y a peut-être qu'ils n'ont pas grand-chose à faire un samedi soir de leur côté. Je sais pas, j'essaie de... C'est le soir, c'est le samedi soir leur match, c'est le samedi après-midi? Ouais, c'est samedi soir. Je ne sais pas. Écoute... Ben, c'est une des rares arénas de la Ligue. J'essaie de voir un pourquoi dans le Maine, ça serait... Mais ils n'ont pas nécessairement populaire. D'équipe de la Ligue nationale qui joue dans ce coin-là. T'as un club de la AHL qui n'est pas trop loin, Portland, mais quand même, t'as une heure et demie de route à faire, là, c'est pas à côté. On ne suit quand même pas leur match à la télévision, là, probablement, Portland, donc... Ben quand même oui, Portland est une franchise de la Ligue américaine qui est très bien établie. Je le sais pas. C'est peut-être là, j'écoute, je pitch, là, je sais même pas si c'est dans des villes qui sont proches, mais t'as l'Université du Maine, les Black Bears qui marchent super fort. Je sais pas si c'est par contre, je sais pas l'Université du Maine est où. Peut-être aussi qu'ils font des promotions les samedis soirs, ouais, qu'ils donnent des billets. Si on n'est pas au courant non plus vraiment de comment ça se passe de leur côté marketing là. Mais j'ai vraiment remarqué que les foules étaient plus élevées là, les samedis que les vendredis. Puis ça, c'est probablement une des seules arénas de la Ligue, parce que souvent le vendredi, c'est la grosse soirée dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec où qu'on remplit le plus les arénas. Ouais, surtout, surtout que dans ce cas-ci, nous autres ici, on a le Canadien de Montréal. C'est samedi, ça, samedi soir, c'est comme réputé, on écoute le Canadien, puis c'est ça. Donc, allez, Winston, toujours au Andras Kogin Bank Coliseum. Donc, les Cataractes qui l'ont emporté 5-3, mais ça a été plus difficile dans ce match-là. Les Cataractes qui ont montré beaucoup de caractère. Tout d'abord, en première période, les Maniacs qui ont pris les devants 2-0 sur des buts d'Étienne Brodeur. Et encore une fois, Mathieu Bissonnette. Finalement, les Cataractes qui ont réduit l'écart à 2-1. Les Winston qui ont repris les devants 3-1 sur un but de Stéphane Fournier. Mais ensuite de ça, là, la machine des Cataractes s'est mise à rouler. Et Pierre-Alexandre Vandal, Philippe Paradis, Dave Labrecque en troisième période sur un lancer de pénalité et Charles-Olivier Roussel en avantage numérique ont chacun compté un but pour porter la marque à 5-3 pour nos Cataractes. Donc, grosse victoire de caractère. On perdait quand même 3-1 après une période. Et bonne remontée, 2 buts en deuxième période et finalement 2 autres buts en troisième. Donc, grosse victoire là, de nos Cataractes, 5-3. Et les Cataractes qui vont très, très bien dans les temps qui courent. On regardait hier le classement, justement, depuis la période du 7 janvier, depuis les échanges, quelles sont les meilleures équipes qui performent? Et les Cataractes, depuis ce temps-là, sont quand même 3e au classement. Québec, à part Moncton, Québec doit être bon? Québec sont 7e. C'est Saint-Jean et Moncton qui sont les deux premiers en Je ce moment. Je pensais que Québec avait un bon... sont 7e depuis les fêtes. Mais ça va bien dernièrement. Là, on a eu quelques défaites comme Victoriaville cette fin de semaine. On va en revenir plus tard. Donc, c'est ça. Donc, la grosse vedette du match, Michael Bournival, encore une fois, pour la 2e fois dans la semaine, obtient la première étoile du match. Lui qui a récolté 4 passes dans la victoire. Au début du match, c'était Gabriel Gérard qui a commencé dans les buts. Finalement, on s'est fait compter quand même 3 buts en première période. Début de 2e période, Monsieur Veilleux a décidé d'y aller, de mettre Marc-Antoine Gélinas devant les buts. Et Marc-Antoine Gélinas a très bien fait, lui qui a accordé aucun but. 20 arrêts dans le match. Donc, si on regarde Girard, il a quand même alloué 3 buts sur 12 tirs. Et si on regarde Gélinas, 0 but en 20 tirs. Donc, vraiment, là, Gélinas qui obtient la 2e étoile, qui est quand même une des probablement... là. La star du match, je vous dirais, Marc-Antoine Gélinas. Et Mathieu Bissonnette, encore une fois, la 3e étoile. Un 2e match de suite qui se classe parmi les 3 étoiles du match. Donc, Mathieu Bissonnette des Maniacs de Lewiston, qui est vraiment un joueur à découvrir. Écoute, vois-tu, j'ai fait mes recherches un peu sur ce qu'on parlait tantôt. Pour Maine, pour Lewiston. Portland, Lewiston, c'est en trajet, là, c'est à peu près 40 minutes. Donc, c'est peut-être ça. C'est ce que je peux voir. C'est pas les Black Bears. Par contre, les Black Bears, ils jouent à Bangor, qui est vraiment plus au nord et dans l'état du Maine. Mais, donc, écoute, c'est tout ce que je peux voir. Mais quand même, Portland ne doit pas avoir un ne doit pas passer à la télévision à tous les matchs, là, comme Hamilton, ouais, les Bulldogs Hamilton. Tu peux même les voir à la TV. Écoute, Portland a des meilleures foules que... Portland a des meilleures foules que les Bulldogs, je suis pas mal sûr. Je suis en train de te sortir ça, là. Les foules. Ben, vas-y, certainement. Les foules de la HL, là. Écoute, Portland, Manitoba. Non, c'est ça, j'ai pas. OK, total. Moyenne à Portland, c'est une moyenne de 4144 personnes par match. Hamilton. C'est excellent. 4067, donc Portland est en avant. Ouais, c'est une petite différence. Par à peu près 40 personnes. Mm. 100 personnes peut-être. Mais non, c'est ce que je peux voir. Parce que les ligues américaines, ils jouent match après match après match. Hein, c'est 3 matchs en 3 soirs. Ouais, donc ouais. Probablement que les gens font les trajets. Donc c'est peut-être pour ça que le vendredi, il y a moins de monde. Puis le samedi, on va à l'Ouestern à la place. C'est mon opinion, mais je mettrai pas ma paye là-dessus. Non, hein? Moi non plus. Donc, on continue maintenant. Donc, les Cataractes qui ont quand même accumulé 3 victoires en 3 matchs cette semaine. Ça va très, très bien de leur côté. Les Cataractes, là, qui surprennent beaucoup, je vous dirais. Comme je t'ai dit, là, depuis la période des échanges, eux autres qui ont été vendeurs quand même pendant la période des fêtes. Puis finalement, on se classe en ce moment parmi les 3 meilleures équipes depuis les échanges. Donc, c'est excellent pour nos Cataractes. C'est sûr qu'on n'a pas affronté les grosses équipes de la Ligue, là, je te dirais, pendant cette période-là. Mais quand même, là, on réussit quand même à avoir une très bonne fiche là, depuis, Man, j'avais le feeling aussi que les Cataractes étaient capables de surprendre. Tu sais, à soir contre Drummondville, je pense que c'est un match qui peut en dire long sur la première ronde des séries. C'est la première ronde des séries, puis aussi sur quel comportement l'équipe est capable d'avoir contre une équipe de tête, comme tu dis, qu'ils vont rencontrer en série. Est-ce que les Cataractes sont capables de surprendre en série? Je pense qu'à soir, c'est un très bon baromètre pour le savoir. Ouais, vraiment. Donc, on va sortir le baromètre à soir, puis ouais, on revient avec ça la semaine prochaine. Du côté des Tigres de Victoriaville, ça jouait jeudi passé. Donc, on recevait tout d'abord la visite des Remparts de Québec, comme tu l'as dit, qui vont très bien dans les derniers temps. Eux qui en étaient déjà à 4 victoires d'affilée. Donc, les Tigres qui ont très, très bien fait. Ça a été un match très, très serré, par exemple. Donc, première période, 1-0 pour les Tigres de Victoriaville. Un but de Brendan Hines. Deuxième période, les Remparts qui ont pris les devants 2-1 sur des buts de Marc-Olivier Valran et Danick Paquette. Pour porter la marque à 2-1 Remparts. Et en troisième période, finalement, les Tigres de Victoriaville qui l'emportent par la marque de 3-2. Brendan Hines, encore une fois, lui, 2 buts dans le match. Et Philippe-Michael DeVos qui a le but gagnant. Tous les buts des Tigres de Victoriaville ont été comptés en avantage numérique. Donc, l'attaque à 5 qui a été très productive. 3-6 pour nos Tigres de Victoriaville. Donc, c'est excellent. Brendan Hines, 3 points dans la victoire, lui qui a parti aux 3 buts des siens, et Philippe-Michael DeVos aussi 3 points. Donc Hines et DeVos, tout un duo. On met tout ça, il joue tout ça avec Kubalik ou Oh boy, tu m'en demandes. Bonne question, c'est sûr que les trios, ça change pas mal. Ça a changé. Ça a changé pas mal aussi depuis la dernière fois. J'ai été voir les Tigres. Avec tout ce qui était acquéri comme joueur aux échanges, donc à la période d'échange. Je pourrais pas te dire, tu m'en poses une. Il y a pas de problème. Donc, 35-31 pour Québec dans les tirs dans ce match-là. Louis Domingue qui a fait de l'excellent travail, lui qui a quand même fait 28 arrêts, mais Kevin Poulin aussi, là, la grande étoile du match, la troisième étoile du match, en fond, Kevin Poulin, lui qui a amassé un total de 33 arrêts dans le match. Donc, c'est excellent. Poulin, là, qui est en feu ces temps-ci, c'est incroyable. Ouais, t'es un très bon gardien. Très, très bon gardien de but. Donc, vendredi soir, le lendemain soir, les Tigres qui avaient encore la tâche encore très difficile alors qu'ils recevaient les Voltigeurs de Drummondville. Donc, les Tigres de Victoriaville qui affrontaient deux équipes de tête dans la fin de semaine en deux soirs. Et les Tigres qui ont très, très bien fait. Encore une fois, première période, 1-0 pour les Tigres. Eux qui ont encore une fois compté le premier but dans le match. Mais encore, les Tigres se sont fait encore remonter ça. 2-1 pour les Voltigeurs en deuxième période sur des buts de Olivier Hott et Marc-Olivier Vachon. Mais finalement, les Tigres de Victoriaville qui ont remonté la marque. Donc, deux buts en deuxième période pour faire 3-2. Kevin Dupont et Philippe-Michael DeVos sont les marqueurs. Et en troisième période, pour assurer la victoire, deux autres buts des Tigres. Brendan Hines et Emmanuel Boudreau sont les buteurs du côté des Tigres de Victoriaville. Donc, ça a été vraiment un gros match. Encore une fois, je vous dirais que les avantages numériques ont été très, très importants. 2-5 pour les Tigres, 0-5 pour les Voltigeurs. Tu comptes 2 buts pour les Voltigeurs en avantages numériques, puis c'est un nouveau match. Donc, je pense que ça s'est beaucoup joué là-dessus. Mais encore une fois, Kevin Poulin, 41 arrêts dans le match. La première étoile du match, d'ailleurs. Donc, Kevin Poulin qui a disputé toute une fin de semaine là, contre les Remparts et les Voltigeurs. Tu parles de Kevin Poulin. Si on va dans l'autre filet, Jake Allen, tu penses quoi de lui depuis qu'il est arrivé? Jake Allen, remplacé justement par Frédéric Pichet, ouais, après ça, qui aime but des siens. Qu'est-ce que je pense? On dirait qu'il donne peut-être pas son meilleur jusqu'à maintenant. Écoute, au niveau des statistiques, c'est sûr que ça dit pas tout, mais 5 victoires, 3 défaites. Moyenne d'efficacité de 0.893, ce qui est inférieur à toutes ses saisons à date, même son année recrue à St. John's. Puis une moyenne de WLU 2.66, bon, ça, c'est une statistique. On a donné très, très cher pour les Voltigeurs pour avoir payé deux choix de première ronde en 2011, 2012, en tout cas. On sait pas. Je sais plus. Mais faudrait que j'aille vérifier. Je pense que c'est 2010-2011. D'accord. Donc tu penses quoi de ça? Je pense que Jake Allen est capable d'en donner plus, mais écoute, on n'est pas encore rendu en fin de saison. Je m'attends à ce que Jake Allen rebondisse là, dans les semaines qui courent. Dans les semaines qui s'en viennent. C'est bon. On va voir. Parce que je pense que s'il rebondit pas, Drummondville... Non, ils passeront pas. Ils passeront pas. J'ai toujours pas de nouvelles sur des Domenico. Je vais faire ma petite recherche. Domenico, non, qui devrait revenir là, d'ici peu. Recommencer à patiner, là, je crois, il y a quelques jours. Et devrait être de retour là, dans les prochaines semaines. Donc, oui, ça, dit Domenico, là, qui va probablement être un bon élément là, pour les séries éliminatoires qui s'en viennent. S'il joue bien ça, le hockey qu'il jouait avant de nous quitter. Ouais. Parce qu'on ne sait jamais, après des blessures comme ça, qu'est-ce qui peut advenir avec ces joueurs-là. Donc, peut-être mieux de ne pas revenir trop vite, de toute façon. C'est pas comme si Drummondville était mal placé au classement. Je pense pas qu'ils vont être capables de rejoindre Victoriaville, de toute façon. Donc, Pour l'instant, on est encore dans la game pour les rejoindre. Là, mais à voir que Victoriaville, encore une fois, qui ont battu les Vultures de Drummondville, 5-2, qui ont battu les Remparts. Les Tigres qui n'en perdent pas beaucoup, je vous dirais, dans les derniers temps. Ouais, non, en effet. Non, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que Victoriaville, je pense, va prendre d'avance là, au niveau de sa fiche. Éventuellement. Yes, donc Vultures de Drummondville, samedi, dernier match de la fin de semaine pour nos équipes du Centre du Québec et de la Mauricie. Donc, 4-1 victoire des Vultures de Drummondville sur le Junior de Montréal. Tu parlais de Jake Allen qui affrontait justement son ancienne équipe et ça a bien été quand même pour lui. Je vous dirais, quand même pas été trop occupé, 27 arrêts seulement dans le match. Jean-François Bérubé, par exemple, le remplaçant de Jake Allen, va très, très bien depuis que Jake Allen est parti. Je vous dirais qu'il fait de l'excellent boulot. Il remplace très, très bien là, Monsieur Allen. Belle petite histoire, hein, ça, de Jean-François Bérubé. Ouais. Pour pêcher, il s'asseye au camp du Junior de Montréal. Oups, signé. Oups, repêché Ligue nationale. Oups. Gardien numéro 1. Hey, c'est une histoire de Cendrillon, comme on dit. Ben oui, ça en prend des comme ça. Ça donc... demandait c'est quoi qu'il va changer en citrouille, par exemple. C'est... Sa paire de pâtes va devenir des citrouilles. Puis, Bon. On va laisser les mythes et l'histoire de Nicolas. André Pala a été la première étoile du match avec un but et une passe. Les buteurs du côté des Vultures, Gabriel Dumont, Jonathan Brunel, André Pala, comme je l'ai dit plus tôt, et Benoît Lévesque. Donc, grosse victoire 4-1 sur le Junior de Montréal pour les Vultures de Drummondville devant 2757 spectateurs. On parle maintenant, Marco Scandella, à son tour, suspendu indéfiniment. Ben oui. Un autre joueur de l'équipe canadienne junior qui va passer au conseil de discipline. Donc, c'est très, très similaire comme coup en plus. Similaire, mais je trouve que ça se passe beaucoup plus rapidement, l'action, que celui-là à Cormier. Je pense pas qu'il mérite vraiment une suspension similaire à celle de Patrice Cormier, ça c'est certain. Sauf que tu fais quoi? Je trouve que le geste est trop similaire. Moi, justement, pour pas donner la même peine. Là. C'était un coup de coude. Ouais, mais l'action se passe plus vite. C'est pas le même angle de télévision non, qu'on vrai, a. C'est vrai, l'angle est différent. L'angle est différent, puis là, on est plus serré, puis on a plus l'impression que oups, ça va vite, tandis que l'autre, on a le temps. T'sais. Comme nous, on avait le temps de le voir partir et arriver. Ben, il arrivait du banc aussi. Ouais, c'est ça. C'était comme, on dirait que le coup était quasiment prévu. C'était là. Très révélateur comme angle. Donc, Mais tu sais, Scandella aussi qui en est à sa première offense. N'est pas un joueur qui prend beaucoup de punitions dans le match. N'est pas un joueur salaud. Oui, OK, on n'a pas à dire, regarde, c'est pas parce qu'il l'a jamais fait qu'il le refera pas ou parce qu'il l'a jamais fait qu'il mérite pas une grosse suspension. Mais Cormier, on le sait, a toujours été un joueur salaud. A toujours, regarde, va-t'en sur YouTube, tape Patrice Cormier, puis t'as à peu près 4-5 coups différents salauds qu'il a fait soit au championnat mondial junior ou durant les matchs de la Ligue d'hockey junior majeure du Québec. Donc, moi, qu'est-ce que je pense, c'est vraiment qu'il ne mérite pas une sentence similaire à celle de Patrice Cormier. Parce que, tout simplement, le coup est différent. Oui, ça se ressemble, mais quand même différent. Puis, Marco Scandella n'est pas un récidiviste. Tu donnerais quoi comme suspension? Ben, peut-être, là, on finit la saison bientôt. Peut-être, les Foreurs feront peut-être même pas une série de toute façon. Donc, je vous dirais peut-être que jusqu'à la fin de la saison, peut-être pas les séries. Ça va pas bien chez les Foreurs. Vraiment non. Pas. Vraiment au niveau pas, financier, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rumeurs qui tournent. La raison pourquoi l'équipe est allée chercher des joueurs pendant le temps des fêtes, au lieu de vendre, Scandella aurait été une très bonne monnaie d'échange. Ouais. Pareil pour Jonathan Isun. La raison, c'est qu'il avait besoin de faire au moins une ronde de série, peut-être plus, pour essayer de rentrer dans les frais. Ça semble très mal regardé. On sait même pas si finalement on va les faire, les séries. Pour l'instant, on les fait. Je peux te dire que c'est dommage, peut-être que. Mais écoute, on sait pas parce que, tu sais, en première ronde des séries, on va affronter notre grand rival. Les Huskies de Rouyn-Noranda. Donc, ça va remplir l'aréna, là. Ça, c'est certain à 100%. Donc, ça, on s'en va. Ouais, mais ce qu'ils voulaient faire, c'était plus qu'une ronde. C'est ça, il y avait besoin de plus qu'une ronde pour essayer. Mais tu sais. Je pense qu'on l'oublie ça. Ouais, là, mais tu sais, mettons, il serait monté dans le classement un peu. Ouais, c'est pas Moncton qui aurait affronté. Là. Il aurait affronté Gatineau, probablement, ou Montréal. Non, Gatineau. Ouais, ben, en tout cas, Gatineau ou Montréal aurait affronté un des deux. Ouais. Donc, ça aurait été déjà beaucoup plus plausible. Tu te rends en deuxième ronde contre les Huskies. Là, tu remplis ton arena pendant. Rendu en deuxième ronde, c'est. On prend le classement. Un classement général, ok, bon. Ça aurait pas été, probablement pas. Ok, bon, merci. Je ne savais pas pour ça. Donc, en tout cas, il y a gros des rumeurs qui tournent autour de l'équipe présentement. Sois pas étonné s'il y a une des deux équipes de la BTB qui disparaît l'an prochain. Oui, parce que. Mais tu sais, ils veulent agrandir l'aréna, mais ça niaise tout le temps. Non, Vador a été fait. Ce que Vador a été fait, c'est Rouyn-Noranda que ça niaise tout le temps. Puis que justement, à cause de ça, ben, ça regarde mal pour eux autres aussi. Moi, je suis déjà allé à Val-d'Or et Rouyn-Noranda. Ah ouais? Ouais. Pis c'est quand même des belles arénas, là. C'est le fun d'aller voir du hockey là-bas. Ça fait loin pour aller voir du hockey. Pas des belles arénas tant que ça, là. Non, c'est certain. En tout cas. Donc, joueur offensif de la semaine, Michael Bourneval, des Cataractes de Shawinigan. Lui qui a amassé là, un total de 7 points en 3 matchs. Donc, pour M. Bourneval, donc ça va très, très bien. Très, très bien. Et de, le défensif, qui tu penses que c'est? On va pas voir dans tes notes. Ah, je le sais en plus. C'est pas compliqué, on a parlé de lui toute l'émission. Je sais qu'il vient de Poulin, mais oui. Je cherchais un défenseur dans ma tête. Lui qui est allé chercher deux grosses victoires, tout d'abord contre les Remparts et les Voltigeurs. Deux grosses équipes de tête et les Tigres qui s'annoncent vraiment pour terminer au premier rang de la division centre de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. C'est ce qui conclut. C'est ce qui conclut les nouvelles. Ben, je te remercie beaucoup, Pierre. Ça fait plaisir. On s'en va une pause au retour. JP Grenier est avec nous par téléphone. On va parler du Super Bowl. Après, c'est le temps. Les conduits de partie, votre source de nouvelles pour les Olympiques en Mauricie. Je le sais, j'ai un slogan. écoutez ça, on vous parle de où est-ce que le Canada devra bien paraître aux Olympiques. Et après la pause de 10h30, on parle du tournoi de hockey masculin. Pour nous joindre en studio, c'est le live commercial inconduitedeparti.com. Vous voulez lire nos chroniques? Je viens d'en mettre une nouvelle sur la démission de Bob Gainey. C'est le www.inconduitedeparti.com. On se revoit dans pas très long. C'est fou. Comme un balai. matin. Dommage que les mots écrits à vain ne puissent plus rien dire maintenant. Et même si je voyage, je suis toujours à même page. Je sais plus voir la beauté avec toute la peine que j'ai. Et sûrement que dans un temps s'effacera notre histoire comme une gloire qui s'envole des mémoires. En attendant, le monde tourne fort. En attendant, je m'en remets pas encore. Vincent Vallière avec la chanson Le monde tourne fort. Ça donne le goût de se coller, ça, matin. Ben, là. Ouais. Les gens qui écoutent L'Inconduite dans leur lit avec leur copine. OK, il n'y en a pas, là. Mais je l'ai plein. Je dis, hey, pauvre fille, tu sais, pognez, vous nous écoutez là, avec son chum. Là, où, pauvre fille. Son gars qu'elle a rencontré hier. Non, non, il y a quand même des filles qui nous écoutent. Là. Ta sœur. Non, pas juste ma sœur, mais une ta très mère. Bonne, Ah oui, c'est vrai. On a une coupe. Bon, c'est correct. L'Abitibi. L'Abitibi. Donc, on soigne. Est-ce que M. JP est là? Salut les gars. Ça va bien? Salut. Ça va bien, bon matin. Good, good, good. Comment qu'il va? T'as-tu eu une belle fin de semaine, toi, là? Pas pire. Sur le niveau sportif, ça a été cool. Ouais. Puis, t'as-tu mangé santé comme tu nous l'avais demandé la semaine passée? Pardon? T'as-tu mangé santé, finalement, au Super Bowl? Ah, j'ai mangé des petites carottes, des céleri, brocolis. Vous avez conseillé quoi la semaine dernière? Linguini, fettuccini, bikini. Martini. Slap chop. Faut juste le lancer dans le lavabo à cette bout-là. C'est-tu là qu'il dit? Il tourne comme un beau papillon. Mais les gars, honnêtement, j'en ai un chez nous. Là. T'es-tu sérieux? Oui. Ah oh, ouais? Ça l'amènera la prochaine fois, je vais venir. Right. T'en as pas un, t'en as deux. Ouais, t'en as deux. T'en as deux. Ah, l'autre, est... Ouais, mais on a fait moitié-moitié. Tu t'es splitté ça? C'est ça. C'est-tu, avec ta Grady. Avec ta Grady, toi, en plus. Là. Ouais, t'amènerai les deux. On fera des martinis. Bikini. Linguini. Ouais. Fait que, qu'est-ce que t'as passé du Super Bowl, mon JP? Ah, bonne game. J'avais pris les Colts, mais comme je suis pas déçu que les Saints aient gagné, j'étais content pour la ville. Mm. Je pense que le gros jeu du match, c'est pas mal le botté court au début du troisième quart qui a totalement changé l'allure du match. Ça a-tu pris des couilles faire ça? Ben même moi, je l'aurais pas essayé. Jamais? Jamais. Écoute, je l'écoutais, puis j'avais une belle grosse TV HD, puis la caméra était en arrière du botteur. Je vois le ballon partir, puis je fais comme, il a manqué son ballon. Oh non. Ah oh, ben Calvary, il l'a fait. C'est que les joueurs étaient tous en formation pour le botter long. Ben oui, il n'y a pas personne qui s'attendait à ça. Là, t'avais trois joueurs, puis on s'entend que les gars que tu mets sur la première ligne pour un botter, c'est à peu près ceux qui ont le moins de mains. Là. C'est ça. Puis dans le fond, moi, je compare ça un peu au hockey. Si le 7e match de la Coupe Stanley, pour partir la troisième période, tu sais, l'arrière 2-1, t'enlèves ton gardien sur un jeu de puissance. Ouais. C'est un gros risque, là, parce que si les Colts reprenaient le ballon ou le ballon sortant en touche, ben, comme un joueur des Colts l'a dit, ça aurait pu être un massacre. Il y a juste Patrick Roy pour faire ça. Faire quoi? Oh, t'es son gardien? Ouais, il l'avait déjà fait. Il l'avait déjà fait. Ah, écoute, ils ont essayé, puis vraiment, ouais, comme tu dis. Ah, mais là, y a-tu des faux fans des Saints à ton goût? Ah, ben là, c'est leur équipe. c'est comme. Là, tout d'un coup, tout le monde est des fans des Saints, hein? C'est ça, ça vend pas mal, là. Ouais, c'est. Mm. Tout le monde veut des fleurs de lys, puis. Qui sont capables de dire Drew Brees, Reggie Bush. Mais c'est quand même une belle équipe. Là. Oui. Ça, je leur mets aucunement c'est question. C'est juste dommage que sont bons. Ça fait 3 ans. Moi, je dirais que ça fait 3 ans qu'ils sont bons. Ouais. C'est pas une surprise cette année de les voir là. Ils avaient déjà commencé l'an passé à être super bons pis tout, sauf que le monde les connaissait tout simplement pas. Puis là, tout d'un coup, ils s'affichent comme leur équipe ou bien ils s'identifient à eux. Je trouve ça un peu ridicule, mais bon, c'est tout le temps de même à chaque année. Ben oui, écoute, comme t'avais comment de monde au défilé des Alouettes, là? C'est ça, c'est c'est ça. Tu sais, c'est le même à tous les années, peu importe le. Au football, là, je parle à NBA, on s'en fout. Puis. Non, je veux dire, la NBA, punk pas au Québec, c'est pas plus compliqué non, que ça. C'est pas que j'ai de quoi contre la NBA. Je suis plus un fan de football de basketball collégial, par contre, beaucoup plus. Vermont, mon équipe Vermont est très bien partie, l'Université du Vermont. Normalement, on se croise les doigts pour se rendre au championnat national, au March Madness, encore une fois cette année. Donc, c'est ça. Mais, hey, puis Dwight Freeney, écoute, à quel point il était piqué pour faire des moves de même? Ben, écoute, ça me surprend pas. Le gars, il est fait comme un taureau. Un taureau? Mais il était habile sur le terrain. J'ai bien aimé ses sacs du corps. Il a joué un excellent match. Il a pas été une nuisance pour son équipe. Souvent, des joueurs comme ça. Il dit, ah, je vais participer au match juste parce que le gars a du cœur, c'est peut-être une nuisance, là. Je veux pas cibler Brett Favre ici, sauf que. Mais, écoute, non, Dwight Freeney a joué un excellent match. On peut pas dire que les Colts ont mal joué. Les Saints ont juste été plus opportunistes. C'est ça que je retiens de ce match-là, parce que c'était un très bon match. Ouais, je pense que t'as un bon point. Mais au niveau, si tu vraiment, les lignes offensives ont tenu très solides. Il n'y a pas eu beaucoup de sacs. Il n'y a pas eu beaucoup de. Les carrières avaient le temps, là, vraiment, d'effectuer leurs mouvements, puis de trouver leur receveur un peu partout. Puis même, il y a eu des excellentes courses des deux côtés. On disait que les Colts, c'est leur faiblesse. Sauf que Joseph Adair, il a connu un excellent match. Il faisait des belles longues courses, puis ça m'a surpris de ce côté-là. Puis ça donnait une attaque, dans le fond, une dimension intéressante pour Peyton Manning. Fait que sans être aussi excitant que l'an passé, puisque le pointage est peut-être un peu moins serré. Ça a quand même été. C'est pas l'histoire, sauf que c'est certainement pas un des pires, genre Giants contre Ravens. Là. Ah ouais, ça avait été poche. Ah, oh, t'en as eu une coupe de mauvais Super Bowl aussi, là, des dégelés. Puis, tu sais, des fois, un match, c'est un match, hein. Écoute, le seul point négatif que j'aurais peut-être, c'est peut-être le spectacle des Who. C'était pas mauvais, sauf que ça avait pas sa place là, d'après moi. Là. Qu'est-ce que tu veux dire, ça avait pas sa place? Mais écoute, les gars sont plus là, puis en plus, ça a pogné du côté britannique. Là. Oh, amenez-moi Metallica et CDC, des groupes comme ça qui sont qui font une renaissance comme aux États-Unis, ça serait pas mal plus intéressant, puis pas mal plus dynamique. Ouais, mais les CDC sont australiens. Ouais, mais ça a pas rapport, là. Je veux dire, ça, ils ont vendu gros des albums aux États-Unis. C'est britannique, oui, mais je veux dire, c'est surtout que là-bas, ça a connu un succès, là. Surtout que la moitié du groupe est décédée. Quand il y a eu Paul McCartney, c'est comme s'il avait amené Ringo Starr, puis il disait, oh, on va jouer la moitié des Beatles. Ben non, mais Paul a joué du Beatles tout seul, là. Bon, un peu de Wings, là, mais on s'en fout de ça. Non, mais on s'attendait à ça aussi, puis c'est ça qu'on voulait, sauf que de où la moitié du club est décédée. Puis on s'entend qu'à part jouer les tunes de CSI, CSI qui appartient à CBS, qui présentait le Super Bowl, là. J'ai eu le même commentaire en regardant avant. J'étais avec du monde, puis je dis, hey, c'est la tune de CSI. Hey, c'est encore la tune de CSI. Hey, une autre tune de CSI. Ça marche, ça, hein, CSI? Donc, hey, on va à la musique. On va aller écouter le gnome avec la chanson « Sur ton île ». On se revoit dans 2 minutes. On va parler de tout ce qui est olympique. Vous écoutez les conduites de partie sur C'est fou. Moi, je veux vivre dans le monde. Je faisais des chansons, toi. Je sais que ce n'est pas facile. Que le cauchemar revient parfois. Oui, mais nous serons deux pour traverser. Puis d'abord, j'ai déjà fait mon choix. Je n'irai pas sur ton île. We'll be right back. C'était le nombre avec la chanson Sur ton île, la pièce Sur ton île. Vous voulez nous rejoindre, c'est le inconduitdeparti.com en studio live, en commercial, inconduitdeparti.com. Allons-y, les Olympiques. JP, oui. Qu'est-ce que tu penses du Canada cette année? J'ai vu un sondage la semaine passée au niveau de TSN qui portait un sondage auprès des Canadiens pour savoir qui avait la plus de chance de gagner le plus de médailles dans tous les Olympiques. Puis le Canada venait au premier rang avec 75% des sondages. Donc, c'est une approche là, positive. Moi, j'aime bien ça. Je pense que le Canada sera une force avec les pays comme la Russie, la Chine qui se développe de plus en plus sont dangereux, la Suède, la Norvège, l'Allemagne aussi, et les États-Unis qui sont aussi toujours là. J'ai retenu toutes les meilleures disciplines que le Canada avait le plus chance de médailles. Il y en a quelques-unes. Commençons tout d'abord avec le curling. Ouais. Autant que masculin et féminin, là, le Canada est son premier au monde. Donc ça regarde super bien. Là, on va avoir deux quatuors. Kevin Martin pour les hommes et Cheryl Bernard pour les femmes. Il y a la Norvège qui ont des chances de gagner, sauf que Canada, une force. Sinon, il y a mon sport préféré, le patinage artistique. Oui. On a Patrick Chan du côté des hommes qui a une chance de médaille. Il vise la médaille d'or même. Et c'est surtout du côté des femmes que j'ai regardé. T'as Joanie Rochette puis Cynthia Faneuf qui est pas une des fortes, sauf qu'avec la performance qu'elle nous a donnée là, le mois dernier, ça augure bien pour la jeune Québécoise de 21 ans. Sinon, au patinage de vitesse, gros des noms, Cindy Klassen qui avait remporté comme quoi 5 médailles à Turin. T'as Clara Hughes, la vétérante de l'équipe canadienne des Olympiques, qui va être la porte-drapeau comme on avait parlé la semaine passée. Ouais, exactement. Du côté des hommes, t'as Jeremy Witherspoon qui est encore là. Mais dis, Jeremy Witherspoon, il a donc choqué à tous les fois. Tu penses? Ben, il a choqué 2 ans de fil, ce que je sache. Comme dans les finales, il donne pas plein rendement, là. Ben, je sais pas, mais écoute, à date, c'est pas fameux, hein? Ben, peut-être que là, c'est la bonne foi, là. Non, on se croise les doigts, parce que c'est à Vancouver. On se croise les doigts, c'est ça. T'as aussi les deux noms, là, du côté féminin, qui pourraient ressortir des surprises. T'as Christine Nesbitt et Christina Graves. Donc, ça va être intéressant. Je sais pas trop, là, j'ai lu gros, mais j'arrive pas à faire la différence. Là. C'est quoi la différence, Nick, entre le patinage sur courte piste et le patinage de vitesse? Le patinage de vitesse, le patinage de courte piste, c'est ouais. Courte piste, c'est fait dans un aréna... plus hockey. C'est un aréna hockey de style international, tandis que longue piste, là, ouais. C'est du... Écoute, tu rentres un aréna à travers la piste, je sais pas si tu comprends, là. Okay. Mais tu peux mettre la grandeur d'une patinoire, là. Il reste de la place. C'est comme, mettons, si tu faisais ça sur un anneau de course extérieur. OK. Et probablement plus, là, j'ai pas les dimensions, là, mais je te sors ça tout de suite, là. Mais c'est une c'est très long comme piste là. C'est les gars ils font des 5000 mètres puis écoute je te sors ça là. C'est plus d'endurance que de la vitesse puis courte piste comme un peu le 400 mètres chez les hommes l'été puis le 100 mètres. Ouais si on veut ben oui puis non je te dirais c'est comme un peu du vélo tu sais, le vélo, là, l'été, là, t'as le vélodrome. OK. Puis t'as le comme le vélo de route, mettons. Ben, c'est un peu ça. Parfait, ça. OK. Ça répond à ma question. C'est bon. Sinon, t'as au bobsleigh. Et pas épreuve assez le fun à regarder. T'as du côté des fans, Ellen Upperton, qui vise la médaille au moins de bronze. Puis t'as Pierre Lueders, qui vise, lui, la médaille d'or, comme à son habitude. Les Allemands, qui sont très forts dans cette catégorie-là, ça me surprendrait pas qu'eux aient plus qu'une médaille. Ouais. Sinon, t'as à la luge John Montgomery, Melissa Hollingsworth et Jeff Payne skeleton. Ouais, Hollingsworth puis Payne, ça c'est au skeleton. C'est Hollingsworth a toute une saison là, présentement. Là. A déjà deux victoires en Coupe du Monde. OK. Donc, deux victoires en genre 3 épreuves, là, c'est quelque chose comme ça. Là. C'est ça. T'as 4. Dans le fond, le skeleton, ils ont changé ça. À la luge aussi, dans le fond, avant, t'avais juste 3 manches. Là, ils en ont rajouté une de plus pour vraiment éliminer là, ceux qui sont moins bons. Okay. Donc, la compétition va être très relevée à ce niveau-là. Sinon, au ski alpin, t'as Britt Janik et Eric Gay qui sont les principales vedettes canadiennes, parce qu'on sait, on en a déjà parlé, les blessures font mal. À peu près toute l'équipe est décimée ben par oui. les blessures. Manque, on l'a dit, manque Kelly Van Der Beek, manque John Kuchera. Il manque, c'est JP Roy ou c'est... ouais, c'est JP Roy qui est sorti aussi. Écoute, pis le ski, là, sérieusement, le ski est peut-être devenu un peu dangereux là, au niveau, tu sais, des peut-être les apports technologiques font qu'à un moment donné, ce sport-là a dépassé la capacité humaine. Là. C'est que les athlètes vont tellement vite. Ben, t'as le cadre, d'après moi, t'as le cadre des participants qui finissent pas la saison. C'est vrai. Les genoux lâchent tout le temps. Il y a aussi Manuel Osborne Paradis du Canada, que là, on fonde beaucoup d'espoir sur lui parce que là, tout le monde pas est blessé. Pas le choix, pas le choix. Il est pas mauvais, mais écoute, peut-être que l'émotion ainsi que les encouragements venant de la foule vont augmenter ses performances. J'ai bien hâte de voir ça. Sauf que, écoute, le Super G, le slalom géant, ça va tellement vite. Ben moi, je trouve ça aussi impressionnant à voir. Puis c'est quand même assez suicidaire là, comme discipline. Là. Ouais. Sinon, en ski acrobatique, Canada, très fort, forme toute une équipe. J'ai plusieurs noms, là, Steve O'Mish, Alex Bilodeau, Jennifer Hale, Pierre Rousseau. Écoute, ce quatuor-là, on ouais, met mais O'Mishall, ça, c'est au saut acrobatique. Là, C'est pas d'un boss, lui. Non, c'est ça, OK. Je le sais tu. Ben, j'ai tout mis ensemble parce que il est classé comme un peu dans la même catégorie. Là. C'est pour ça que je les ai mis ensemble. Okay. Mais la différence entre le saut acrobatique et les boss, c'est que dans le fond, t'as un saut acrobatique, t'as juste un saut à faire. T'as-tu déjà vu ça live? Non. J'ai vu ça, moi, c'est... T'as jamais rendu à Tremblant? Ouais, ben justement, moi, j'ai vu ça à Tremblant, là, c'est à foutre à terre. OK. Les gars, là, ils débarquent, là, les gars, les filles, là, quand ils décollent du saut, là, ils montent, mais ils montent haut, puis il spin comme s'il n'y avait pas de lendemain. Là. Vraiment, là, ça arrête pas de spinner, puis d'un coup, whoop, il retombe sur ses jambes. C'est vraiment calculé à la seconde. Je sais pas comment ils font. Honnêtement, là, j'ai de la misère à beurrer mes toasts sans échapper mon couteau, puis eux autres, j'en rajoute. Là. Mais non, vraiment, là, c'est impressionnant à voir. C'est live, là, puis j'imagine que c'est ça pour beaucoup de sports aussi. Là. Le ski alpin, ça doit être pareil, là. Écoute, ils descendent en scalpin, là, puis pas à peu près, là. Ça, on le voit pas bien à TV, là, mais les angles, là, et quand ils rentrent dans la côte, là, puis c'est du 45 degrés, là, c'est à pic, pas à peu près, là. C'est vraiment des phénomènes de nature. Même chose pour le saut en longueur. Ah, ben oui. J'en parle pas parce que le Canada a pas vraiment de chance de médaille, surtout avec les Autrichiens, les Allemands et les Finlandais, la Finlande, comme une référence. Là. OK. Ils disent que c'est leur deuxième sport national après le hockey. Mais écoute, ça, là, ils sautent. Je comprends pas comment ils font pour pas se blesser quand ils atterrissent. Là. Ils tombent tellement de haut puis d'une bonne vitesse que je sais pas. Là, ben, c'est comment ton landing et ta zone d'atterrissage est faite. C'est une question d'angle. Mais hey, t'as-tu déjà vu un gars se péter à fiole là-dedans? Oui. Ah, check les kiris. J'ai vu un qui, ses skis ont tout simplement un qui a lâché. Ah oui, dans les airs comme. Ouais, c'est ah. ça. Hey là, c'est-tu long, là? Parce que là, tu sais que ça va faire mal, là. Tu peux pas t'en tirer, là. Ça doit tellement être dur sur la concentration, parce qu'il faut que t'enlignes tes skis comme de façon à ce que pas perdre la vitesse ou atterrir correctement, là, t'y regardes, puis sont durs comme le fer, là. Ah, c'est une question de... C'est une question vraiment de millimètres au niveau de, ouais, au niveau de ton placement, tu sais. Faut pas que tu le nez te pique. Faut pas que tu te grattes la cuisse ou... Tu sais, c'est un peu comme en double luge, hein? On avait parlé la semaine passée, là. Moi, je pense que, sérieusement, il devrait faire des compétitions inter-université de luge. Et puis, on pourrait faire une équipe. Ça serait pas mauvais, là. Toi pis moi? Ouais. Es-tu malade? Notre bédaine, on est fait. Tu m'embarqueras pas dessus, de toute façon, ou vice-versa? Je trouve pas ça. Il n'y a pas question. T'es bizarre, toi, matin. Donc, pour finir, là, avec le snow, le surf des neiges. Le surf des neiges. On a plusieurs disciplines. Un sport qui est de plus en plus, pas en demande, mais en popularité grandissante. Donc, on a le bon vieux Jesse James Wilson qui est possiblement à ses derniers jeux, qui qui va y aller le tout pour le tout. T'as Matthew Morrison qui est là aussi. Du côté des femmes, t'as Maëlle et Riquet, ainsi que Dominique Maltais. Ouais, en snowcross, ces deux-là. Exactement. Puis, chose étonnante, je vois pas vraiment d'espoir canadien qui pourrait se démarquer du côté du demi-lune. On sait que les Américains sont très forts, sauf que du côté canadien, même j'ai regardé les X-Games un peu, puis ça m'avait pas impressionné de ce côté-là. T'as Michael Lambert qui est pas mauvais, mais je sais pas à quel point il va pouvoir... parle peut-être pas d'une médaille ici. Là. Ben, je pense qu'il en avait gagné une ça, sur le circuit... Y a-tu un circuit de la Coupe du Monde là-dessus ou... Non. Team Canada, Vancouver, Olympics... Où il fait un peu de partout. Ben oui, t'as une Coupe du Monde parce qu'ils sont venus à Stoneham l'autre fois. Ben, j'en ai jamais entendu parler. Ben, je te le dis. OK. OK. De toute façon, t'as le roux avec les cheveux longs, là, Chanois. Chanois. La tomate. La tomate multimillionnaire, là. Qui ouais, non, je me trompe. Michael Lambert, c'est en slalom parallèle. OK. Fait que c'est ça. Ouais, non, Sean White, écoute, à moins d'une bad luck, devrait encore arriver avec de quoi de très, très, très surprenant qui va nous mettre à terre une performance. Te rappelles-tu en 2006 qu'il avait fait? Oui. C'était pété à la face comme dans la ronde préliminaire. Puis... Ben, je me souviens surtout de son speech après avoir gagné l'or. Ah, ça devait être patriotique, là, j'essaie de me souvenir. Là. Il disait qu'enfin, il allait être populaire et pouvoir... je sais pas si ça se dit en onde. Mais... Vas-y donc. Ben, c'est comme qu'il allait pouvoir enfin être... populaire du côté de la jambe féminine, ainsi que... je m'embarquerai pas trop là-dedans. Là, je voulais pas le mal citer. Mais... Non, c'est correct. C'est... il a raison, écoute. Oui, je m'en souviens. Il y a ce temps que t'en parles. Il dit « I can finally hook up with the women ». De quoi de même? Ah, écoute, Sean White, tu sais, c'est un gars qui... Il vient du monde snowboard, du monde des games, tout. C'est rarement des gars qui sont des petits camps et qui disent pas de niaiseries, là. Exactement. Les relationnistes de presse ne doivent pas être contents à ce moment-là pour les Olympiques. Hey. Mais, tu sais, ça met de la saveur au jeu. Ben oui, puis gars, c'est moins pire que Ross Rebellietti, là. Fait que finalement, je vais finir avec... Honnêtement, ils font-tu encore des tests des tests de pipi aux snowboarders ou tout? Ou ils ont juste comme abandonné l'idée un moment donné? Ils ont sûrement abandonné. Je sais pas comment ça faire. Il y a des substances qu'ils ne checkent pas. Là, tu sais, ils disent « OK, marijuana, non, c'est beau, c'est correct, continue. » Tu sais, ils voient arriver, il y a deux mars dans les mains. Tu sais, okay. Deux baguettes de chocolat, tu sais, OK, c'est correct, on ne testera pas, toi. Donc, je vais finir avec le hockey féminin. Ben oui. Grosse équipe pour le Canada qui sont quand même classés deuxième. Les Américains qui sont premiers, ça va être encore une finale sûrement Canada-États-Unis avec pour la médaille de bronze, la Suède qui va gagner comme dans les 20 dernières années du côté des femmes. Mais écoute, l'équipe canadienne qui est encore très forte, je sais pas, les gars, le calibre de jeu, là, tu sais, j'ai souvent vu des matchs de femmes. On s'entend que c'est pas les plus physiques ou quoi que ce soit. Mais selon vous, ça se baserait sur quoi pour comparer hockey masculin? Ben, c'est que ça dépend de si tu compares quelle équipe. Si tu compares Team Canada, c'est à peu près équivalent du Midget 3. À peu près. C'est sûr que tu as Ellie Wickenheiser, tu sais, qui est une coche en haut. Mais, tu sais, parce que vois-tu, ils se préparaient, là, mais c'est peut-être plus fort même. Parce que Team Canada, les filles se préparaient ils ont fait des matchs d'exhibition, puis ils affrontaient des clubs de. Des clubs de Midget 3A ou de Junior 3A. Hey, t'iras voir ça, honnêtement, tu sais, c'est drôle, pas à peu près. Ils ont affronté dans leur préparation le club du frère à Dion Faneuf. Faneuf a ramassé Wickenheiser en arrière du net. Je te niaise pas. Fait qu'il la ramasse, puis là, comme il continue à patiner, Wickenheiser, il a sauté dans le dos, puis elle s'est mal l'étrangler la gorge. Je te laisse ça, c'est YouTube. Allez voir ça, là. On s'en va une pause dans pas long, là. Allez voir ça sur YouTube, ça vaut la peine. Puis là, c'est Dion Faneuf qui commente, puis il dit, ben, je suis bien fier de mon frère, là, tu sais, il avait peut-être pas le droit au plaqué, mais tu sais, il se laisse pas faire. Allez, voir ça, c'est vraiment drôle. Donc, écoute, si c'est une médaille assurée, reste à savoir laquelle. Les États-Unis sont quand même très, très fortes, encore une fois. On va espérer l'or. On va espérer l'or. Rien c'est de moins. Toute une rivalité, hein, ceux-là. Puis, ils vont arriver motivés, les Américaines, là. L'affront de 2006, ils vont vouloir faire réparer ça, là. Même 2002, dans leur propre pays. Ouais, aussi. Ah ouais, là, ils veulent leur mettre dans la face, là. Ah, ça avait été toute une game, hein. Tout un match. Bon, il y avait Nancy Drolet. C'était pas Nancy Drolet, c'était France Saint-Louis qui criait un peu trop fort, là. Mais pour le reste, ça avait bien de l'allure. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Donc, on s'en va une pause. Au retour, on parle du tournoi de hockey masculin. Tout ce que vous devez savoir. Vous écoutez la conduite de partie. Toi, JP, ta prédiction avant, homme ou pour les hommes, pour les femmes, je veux dire? Une médaille d'or. C'est ce que tu penses? T'es confiant? Oui. C'est bon. On va faire une pause, on vous revient dans deux minutes. Je suis fan de poulet, fan de plume. Vous la radio de l'université. Ta langue de château. 89. Les bains me disent ce que vous faites là. Ben, on se met du foil. Ça protège les mains. Ouais, t'en veux-tu? Le conduit de partie. Et c'était Jet avec la chanson She's a Genius. Très fun, très pépi, j'aime ça. On y va, on parle pas de temps. Il nous reste pas beaucoup de temps, 15 minutes à peu près. Donc, OK, l'événement des Jeux Olympiques, le Canada. On va parler de l'équipe, on va parler de toutes les équipes. JP, qu'est-ce que tu penses du Canada? le Canada, notre équipe, classée numéro 2 selon le classement international qui est sorti avant hier. Surprenant, d'après moi, les favoris, même si ce classement-là veut rien dire vraiment, là. Quelle équipe? Les Russes, c'est les favoris? Équipe? Probablement, là, je sais qu'il y en a gros qui déçoit au basket, mais selon moi, c'est le Dream Team. Tu penses ça, toi? Ouais. Je ne sais pas, man. Je trouve que c'est la meilleure équipe que j'ai jamais vue. Je sais Non. 2002 était bien plus... En tout cas, tant qu'à moi, 2002 était supérieur. 2010 est plus complet, selon moi, là. Ouais, mais non. Moi, écoute, 2002, t'avais Sakic, t'avais le mieux. T'avais Brodeur d'un but. Bon, c'était Kudjo qui avait commencé. Semble, en tout cas, moi, personnellement, je trouve que c'est une équipe qui est plus jeune, par contre. Qui est plus jeune, plus rapide. Plus jeune, plus rapide. T'as quand même des gros joueurs intelligents, là. Higginla, Crosby, Nash, Thornton. Je peux en nommer plusieurs, là. Ouais. Même, on aurait pu faire trois clubs là, avec l'équipe Canada, puis il y aurait quand même des chances d'être compétitifs. Ouais, vraiment. Ouais, ben ça, c'est de même à trois années. Personnellement, je trouve que Martin Saint-Louis aurait dû avoir sa place sur l'équipe. Vincent Lecavalier aussi. Non, je trouve pas pour Vincent Lecavalier, mais ça, c'est une autre affaire. C'est un autre débat assez... Ouais, c'est ça, on peut en avoir pour longtemps. Ouais. Donc, Canada... Grosse défensive également. Oui, grosse défensive. Scott Niedermayer. C'est meilleur qu'en 2002, selon moi, là. Quand tu regardes ça, il y avait des Rick Brewer, Jovanovski était pas mauvais, sauf que ça peut... Regarde, les gars qu'on a cette année... Non, selon moi, là, sont meilleurs qu'en 2002. Mais l'affaire, c'est que la compétition est tellement relevée au sein des autres équipes que ça veut pas dire nécessairement qu'ils vont gagner l'or. T'as raison. Ben non, quand même terminé 7e, là, là 4 ans, donc on sait jamais. Tu sais, c'est l'affaire d'une game. C'est juste une game, hein? C'est comme le Super Bowl, c'est une game. C'est ça. Hey, pendant que le rythme national joue, parle-moi donc de la Finlande. La Finlande a une équipe assez défensive, comme on l'a remarqué pendant les dernières années. Ils misent pas sur des joueurs ultra offensifs comme le Canada peut compter ou la Russie, sauf qu'il s'agit d'une équipe qui donne un gros échec avant, contre des excellents gardiens puis une défensive pas la plus défensive ou la plus offensive mais très physique là, avec des gars qui vont frapper fort. Puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils vont jouer sur une glace nord-américaine. Oui. Donc ils ont des bonnes chances de médaille. Sauf que c'est quasiment tous des joueurs ligue nationale, donc l'adaptation n'est pas à faire. C'est pour ça. Certains gars qui jouent dans ces ligues-là là-bas. Contrairement à une équipe qui joue, les Allemands ou les Lettoniens ou même il y a des équipes comme ça qui vraiment là, écoute, il y a quoi? Il y a peut-être 4 joueurs, 5 joueurs qui ne jouent pas dans la Ligue nationale dans Finlande maximum. Kukkonen, t'as Niskala. Kapanen. Imonen et Kapanen. Kapanen qui joue en Russie, puis Peltonen qui joue. Dans KHL, mais tu sais. Tous des gars qui ont une ils ont joué. Ouais, c'est ça. C'est ça. Sauf peut-être Niskala. Niskala, je sais plus. En tout cas, je m'avancerai pas. Selon moi, la performance de la Finlande va dépendre de leur gardien de but. Si Kipusa fait les arrêts, ils sont en business, comme on pourrait dire. Sinon, ça va être dur. Je sais qu'ils vont se servir gros de leur vitesse. On sait que Salané sera pas là, malheureusement. Ça leur donne une arme offensive de moins. Puis on en parlait, on a oublié de le dire, mais Getzlaff est blessé pour Canada. Il va être inspecté aujourd'hui, donc ça se pourrait que le Canada doive faire un changement rapide à la place de Getzlaff. Ça prend un gros joueur pour le remplacer. T'as-tu une idée, toi, ou? Ben, je sais qu'il y a plusieurs gars qui sont des joueurs de centre qui vont jouer, qui jouent à l'aile. C'est ça. Par exemple, Jonathan Toews, par exemple. Mais écoute, un gars comme Saint-Louis, ça serait pas mauvais. Brad Richards non plus, très sous-estimé. Mais c'est Richards, c'est un centre, lui aussi. C'est ça, mais est-ce qu'ils veulent prendre déjà dans leur équipe ou amener un allié de plus? Ça va dépendre de Mike Babcock. Ouais. Je sais pas c'est quoi stratégie à ce niveau-là. J'irais avec Saint-Louis parce que c'est un allié, comme tu dis. Puis on a gros des gars qui vont pouvoir... Tu sais, il y a des gars qui, quand même, avec des bonnes chèques, vont pouvoir prendre sa place. Ce que j'aime de Saint-Louis, c'est son intensité qui amène. Ouais. En plus de bénéficier d'un talent quand même au-dessus de la moyenne, il amène peut-être une énergie que des gars comme Corey Perry vont moins avoir. Puis, tu sais, c'est du hockey international. Fait qu'un gars comme Saint-Louis va avoir plus de facilité à se démarquer vu que les arbitres sont. Ben, il y a moins l'accrochage, puis les arbitres sont plus solides au niveau de leur cadre. Donc, non, d'après moi, en tout cas, ça serait mon ce que je fais. Hey, vas-y donc les champions de médaille d'or en 2006, la Suède. Les Suédois, d'après moi, vont gagner la médaille d'argent. Oh. Je sais qu'il y en a gros qui disent que la Russie va être la position principale du Canada, mais je suis pas d'accord avec ça, moi. En regardant les deux équipes, je trouve que la Suède sont beaucoup plus complets à tous les niveaux que les Russes. Par exemple, à l'attaque, t'as deux excellentes lignes. Premièrement avec les Sedin, deuxièmement avec Alfredsson. T'as des bons vétérans qui ont gagné en 2006. Peter Forsberg. Peter Forsberg va faire un retour. Selon moi, un des meilleurs Européens de tous les temps avec Jagr. Oui. Puis j'aime aussi leur duo de gardiens. Ben, leur trio de gardiens, dans le fond, mené par Lundqvist. Ouais. Il a tendance à se démarquer au niveau international. Je sais que, dans le fond, il a été très fort en 2006, puis il ne tardera pas à répéter ses exploits. Puis, dans le fond, en défensive, t'as toujours un gars comme Lidström qui est là année après année. Donc, les Red Wings de Suède vont avoir un excellent club. J'aime Lundqvist, mais Gustafsson, en tout cas, tant qu'à moi, il n'est pas encore rendu là. Il va avoir des problèmes cardiaques, comme d'habitude aussi. Ouais. T'es moyen, cet accord-là, gros. T'en as fait des meilleurs. Ah, OK. OK. Alors, allons-y avec la Russie. La Russie, puissance offensive, ça, il n'y a pas de doute à croire là-dedans. Sauf que leur problème, ils vont manquer de profondeur. Je sais que le monde parle gros trio formé d'Ovechkin, Malkin, Kovalchuk. C'est un gars comme Pavel Datsyuk aussi qui va amener de la stabilité comme deuxième temps. Ouais. Sauf que ça s'arrête là, d'après moi. Ben, tu sais, c'est parce que la politique de l'équipe russe cette année, c'était on veut des joueurs de la KHL. Ils ont une bonne défensive. Écoute, Andriy Markov, c'est pas mauvais. Gonchar, c'est très bon, ça aussi. Konstantin Korniev, qui va être une carte cachée. Le gars, il est parti au Canadien de Montréal, mais a jamais voulu venir jouer en Amérique du Nord. Serait probablement troisième défenseur avec le Canadien de Montréal. Facile. C'est une carte cachée en tant que telle. Ils ont, bon, Fedor Tutin, ils ont plusieurs joueurs, des bons gardiens de but. C'est une équipe qui, en tout cas, je trouve qu'ils ont l'air en mission. Semin, Radulov, j'ai hâte de voir ce qu'il y a de l'air maintenant. C'est une équipe qui... Tout c'est parce que tu préfères les Suédois. Puis les Suédois sont souvent sous-estimés là-dedans. Mais les Russes, comme tu dis, c'est tellement un tournoi serré. Comment savoir, hein? Et aussi, avec une glace de nord-américaine, je préfère le style de jeu des Suédois. Il est beaucoup plus technique, puis basé sur le jeu d'équipe que les Russes qui ont beaucoup d'habileté individuelle, mais peut-être moins en équipe, sauf que, tu sais, j'adore l'équipe, là. Ils sont excitants à regarder, puis ils vont donner une bonne opposition aux autres équipes. T'as absolument raison là-dessus, je te donne totalement raison. Les Américains? Les Américains, ma deuxième équipe préférée dans le tournoi. Oh boy, tant que ça, toi! J'adore un mélange de joueurs. J'adore des jeunes joueurs, c'est des gars comme Zach Parise. Paul Stachny. Dans le fond, l'interrogation, ça a été au niveau du gardien de but, malgré que Ryan Miller, grosse saison. Ben oui. Je m'interroge pas sur Ryan Miller personnellement, là. Écoute, c'est parce que c'est après que ça se gâte. T'as Jonathan Quick puis Tim Thomas. Jonathan Quick est bon, sauf qu'il est habitué de jouer avec les Kings de Los Angeles. Comment il va réagir contre des puissances offensives? Ouais. Je sais pas. Sauf que. De toute façon, normalement, si tout va bien, t'as pas besoin de plus qu'un goaler. Ça, c'est vrai. Est-ce qu'on va assister au miracle de 1980? C'est vraiment l'attitude que l'équipe américaine a pris, hein? Les vieux chandails même aussi. Ouais, les vieux chandails, mais underdogs, c'est on est sous-estimé, puis on le sait, puis on l'accepte. Écoute, je sais qu'ils ont eu gros des défenseurs blessés. Paul Martin, Kamsarek, c'est sûr que ça va faire mal. Sauf qu'ils ont tellement un bon mélange de jeunesse, de dynamisme, que j'ai hâte de voir cette équipe-là. Martin puis Komsarek qui ont été remplacés par Tim Gleason puis Ryan Whitney. Donc, ça va être intéressant. Par contre, c'est une équipe jeune. Je pense que c'est bien pour Brian. C'est Brian Burke qui était le directeur général de l'équipe, de justement essayer de changer ça, amener du nouveau monde. Gomez, Gianta qui n'ont pas été pris. Ça va être intéressant en tant que tel. Je pense pas qu'ils ont ce qu'il faut pour se rendre loin, par exemple, contrairement à toi, qui a l'air quand même. T'as l'air optimiste pour eux, je trouve. Comme je vous l'ai dit, je penserais pas qu'il y ait soit en finale, mais pourquoi pas me batailler pour la troisième place avec les Russes. Selon moi, ça va être ça, l'optique des États-Unis. Ça va être entre eux et les Finlandais, je pense, pour la médaille de bronze qui va affronter la Russie. Vite, là, mes prédictions comme ça, l'or au Canada, la Suède, médaille d'argent. Bronze aux Russes, quatrième États-Unis. Moi, c'est de même que je vois ça, là. Ben aussi. Là, il y a deux équipes qu'on n'a pas parlé. Les Tchèques et les Slovaques, ouais. À moins que le Bélarus... écoute, le Bélarus, tu te rappelles ce qu'il a fait contre les Suédois? Ouais, mais là, il leur manque le frère Grabowski, il leur manque André Kostitin, donc... Vous l'avez dit, les gars, c'est l'histoire d'un match. Ouais. On sait jamais ce qui peut arriver. Non, c'est ça. C'est ça. C'est très, très difficile de faire des prédictions. Écoute, la Slovaquie, là, vois-tu, ont quand même pas de mauvaise équipe, là. J'essaie. OK. Bon, dans les buts, ça devrait être Yaroslav Halak. Ouais. Normalement. Bon, après ça, t'as Chara, t'as Mezaros, t'as pas de mauvaise défensive en tant que tel. Yursina, Vishnovski. À l'attaque, bon, Gaborik, écoute, s'il continue comme il est parti cette année, c'est bien parti. Les frères Ossa, peut-être que de jouer ensemble, ça va leur faire du bien, tu sais. Pour le reste, gros des joueurs qui sont, tant qu'à moi, des dépassés. Quand tu regardes la Slovaquie, Dimitra, Zetnik, Satan, Palfi, avec Zygmunt Palfi qui revient. Tu sais, des gars qui, leur meilleur est derrière eux autres, là. Lubosch Barteko, là, était bien bon avec... Drummondville, là, mais je pense pas que ça va réussir à faire quelque chose de potable. Est-ce que Marcel va être là? Oui, Marcel, les deux frères ça jouent. OK. Donc, en tout cas, c'est une... Puis les Tchèques, si tu regardes les Tchèques, là, qu'est-ce que t'en penses? Une bonne équipe, hein, comme à tous les années. Est-ce que Jäger joue? Oui, Jäger joue. OK. Donc, un gars efficace. Jäger, vois-tu, il va jouer, j'essaie de te sortir ça... Jaromir Jagr, qui joue avec Avant-Garde, va jouer. Milan Mikalek, Plekanec, qui, en tout cas, s'il continue de s'aligner. Zidliki à défensive, Kuba, Kaberlé, Vokoun d'un but. Topavlek pour le seconder. C'est une bonne équipe, les Tchèques, là. C'est sans être l'équipe de 98, là. C'est ça, une... le facteur Dominique Hachet qui n'est pas là, par exemple. Non, ça, c'est sûr. Mais je pense que c'est un tournoi. J'ai bien de la misère à faire des prédictions parce que. À part pour quelques équipes, il n'y a pas... À part pour quelques équipes, vois-tu, la Norvège, la Suisse, la Lettonie, le Bélarus, puis l'Allemagne, les autres équipes peuvent toutes compétitionner. Ça te fait 7 équipes, là. J'ai inclus Asovaki là-dedans, là. Alex, il continue à gauler sur sa tête, on ne sait jamais. 7 équipes qui, justement, peuvent, tant qu'à moi, aspirer aux plus grands honneurs. Là, on me dit que je viens d'avoir une information comme quoi Jäger est blessé, c'est un cas certain. Ils vont sûrement le mettre sur le roster. Il jouera peut-être pas les deux premières parties, mais après ça, ça a le temps de changer, là, comme on dit. Là. De toute façon, tu affrontes. Le groupe fort, c'est le groupe B aussi. Les Russes, les Tchèques, les Slovaques ensemble, ça va se battre là. Je sais pas comment ça marche, par contre. Sais-tu comment ça marche pour les playoffs? Qui accède à quoi? C'est-tu les deux meilleurs de chaque poule? C'est-tu. D'après moi, le meilleur de chaque poule, il y a un laissé-passer. Ouais, puis après ça, c'est deux puis, contre trois. Après, ça doit être le meilleur deuxième de chaque. Ouais, ben je pense que c'est le deuxième contre le troisième de l'autre division, puis ainsi de suite. Là. C'est peut-être un peu comme aussi le système de la NFL. Les deux premiers. Ah oh non, t'as. Ouais, dans le fond. Juste après les. Les deux meilleurs passent, puis après, c'est comme le premier de la troisième division contre le plus poche, et ainsi de suite. Okay. En tout cas, moi, ça serait logique. J'essaie de lire, là, je suis devant le site de la IIHF, là, la Fédération internationale de hockey. C'est écrit, là, mais c'est écrit tout croche un peu. Là. Il y a des lettres, puis groupe D. OK. Après la conclusion des 18 games de préliminaires, les 12 équipes vont être mises dans un groupe B. Les meilleurs clubs vont s'en sortir. Donc, les 4 premières positions vont avoir des bails. Donc, qui accède, j'en déduis, au quart de finale. Puis après ça, il y a une qualification. Donc, les 4 premières... Hey, c'est compliqué. Désolé les gens qui nous écoutent, là. J'essaie de sortir ça, là. Mais, ouais, c'est quart de finale. Donc, les 4 premiers, puis après ça, tu vas avoir des séries. Donc, tu as besoin de 8 équipes sur... 12. Dans le fond, il va y avoir 4 équipes éliminées après les séries. Après ça, tu vas avoir... C'est ça. OK, je l'ai. C'est bon. Fait que les 4 meilleures équipes accèdent directement au quart de finale. Après ça, c'est des playoffs pour savoir les 4 autres équipes qui vont accéder. Donc, moi, je pense que le Canada va passer. Je pense que les Russes, les Suédois vont passer. Les Tchèques devraient passer. En avant de la... Ouf, avec le groupe qu'ils ont, là... Ça va être les Tchèques ou les Finlandais qui vont passer. Les Américains, je crois pas. Après ça, ben écoute, c'est libre. Mais Canada a une bonne équipe. J'aime beaucoup les Suédois, par contre, encore une fois. encore une fois. Toi, Pierre-Luc? Moi, je pense vraiment que le Canada va gagner, c'est certain, la médaille d'or. Mais je pense que la Russie va terminer deuxième. Toi, tu vois la Russie? Ouais, moi, je vois la Russie avec la médaille d'argent. Suède, troisième aussi. États-Unis, quatrième. Donc, vraiment, la seule différence, ce serait Russie-Suède. OK. Toi, tu vois ça comme ça? Ouais. C'est bon. Puis toi, JP, tu restes sur tes gardes, là? Tu... Je reste sur mes gardes, exactement. Puis ce que j'espère voir, parlant de la Russie, je sais que la Coupe du Monde à Québec, pas Coupe du Monde, mais Championnat mondiaux à Québec, on avait eu une excellente finale. C'est sûr que les Russes avaient gagné, sauf que le match... Ah ouais. Mais tu sais, Championnat du monde, c'est Championnat du monde, ça veut rien dire, hein. Tu sais, c'est pas les meilleurs joueurs. Puis je trouve que le facteur qui va changer ça, c'est par rapport à la carte cachée un petit peu du tournoi, c'est que ça se joue sur une patinoire de grandeur Ligue nationale et non pas de grandeur internationale. Ça va venir désavantager certaines équipes, ça c'est sûr et certain. Au niveau des, tu sais, les Slovaques par exemple, là, les équipes qui comptent un quart de joueurs qui jouent pas dans la Ligue nationale, ça va être un désavantage si tu veux mon avis. Les plaqués vont être plus intenses. Le Canada, puis tu sais, ils ont bien fait de bâtir cette équipe-là comme ça parce que le Canada va être fait plus tough, va pouvoir aller jouer plus fort dans les coins, donc ça va être intéressant à suivre. Ça commence vendredi, les Olympiques, la cérémonie d'ouverture, les compétitions, si je me trompe pas, commencent le samedi matin. Le hockey, ça commence... Le hockey, hein? Oh, le hockey, mais tu sais, t'as des matchs... Là, tu m'en poses une. Tu vas répondre à ça. Ça commence le 16, là, OK. 16. Mardi. Avec la première game du Canada, c'est à 16h30, heure... Ah, c'est peut-être à l'heure de... 16h30, heure de... Du Pacifique, exactement. C'est donc, le Canada contre la Norvège. Donc, ouais. C'est ça. Canada contre la Norvège, ça commence là. Pour le reste, suivez ça. C'est diffusé sur TSN, CTV, Sportsnet, VRDS... APTN et d'autres postes. Ils ont vraiment été chercher un gros consortium de postes. Donc ça va être difficile pour voir ça. Ça va être partout, ces médias. Hey, merci beaucoup, JP, d'avoir été avec nous. Merci, les gars. Bons Olympiques. Donc, hey, je vous dis, calendrier chez les Patriotes. Pour le hockey, il y a un match, c'est le 12. Donc, le 12, c'est vendredi, avant la cérémonie d'ouverture. C'est à l'Arena Claude Mongrain contre les GGs d'Ottawa. On vous rappelle qu'un seul point assure les Patriotes de finir au premier rang du classement. Ils affrontent le lendemain Carlton à l'Arena Claude Mongrain aussi. Natation, c'est le championnat provincial qui est disputé à l'Université Laval. C'est samedi et dimanche. Soccer intérieur, les filles affrontent les Bishops. Au centre d'Alphonse Desjardins, c'est à 14h dimanche. Et les hommes affrontent l'attaque de Trois-Rivières au centre d'Alphonse Desjardins à 16h. L'attaque de Trois-Rivières, justement, qui c'est peut-être fini pour eux. Il y aura un club qui s'en viendra à Laval, donc ça va être à suivre. On sait sa musique. On s'en va écouter M. Destin. Tout avais-tu d'autres choses à dire? Pour le géant majeur, on surveille ce soir le match entre les Voltigeurs et les Cataractes de Shawinigan. C'est présenté au Centre Bionesse, donc une très, très grosse partie ce soir à prévoir entre les deux équipes. Ben merci beaucoup, Pierre-Luc. Pour JP Grenier, Nicolas Ducharme, ça c'est moi, et Pierre-Luc Giroux, je vous souhaite une bonne semaine. Bonne semaine, tout le monde.